Bonjour tout le monde. Ouais, ouais, c'est ça, salut, ouais. Bah, Tof, ça va pas? Si, si, tout va bien, c'est bon, là. Bah, Tof, qu'est-ce qui t'arrive? T'es en manque ou quoi? Ouais, ouais, j'ai pas eu ma dose, là, putain. Bah, ça fait combien de temps? Je sais pas, 5 ou 6. 5 ou 6 jours sans rien? Non, 5 ou 6 heures. Attends, ça fait 5 ou 6 heures que t'as pas baisé et ça te met dans cet état-là? Ouais, ouais, je sais. Ciao, c'est Silvio Berlusconi. Moi aussi, j'écoute Michael, parce que c'est sympa. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est sympa, c'est comme ça l'Italie, et c'est Silvio qui le dit. Ah oui, c'est comme ça l'Italie. Bah oui, c'est comme ça l'Italie. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Vous allez bien? Voilà, bon, nous sommes le 10 novembre. Jean-Pierre Trébert est toujours en cavale et Tony, le convoyeur de fonds qui a tiré 11 millions d'euros, est aussi toujours dans la nature. Bah, c'est le moment de s'évader de prison ou de faire des gros casses. Ouais, ouais, bah, attends, il fait froid dehors, c'est dur de courir après les criminels. Ouais, non, c'est vrai, en plus, pour rattraper les gens en excès de vitesse sur l'autoroute, t'as pas besoin de sortir la Subaru. Hein, et y a, en plus, il y a la clim dedans. Ouais. En tout cas, moi, ici, je cherche une fiancée, le mec, là, je suis dispo. Hein. Ah bon, c'est ta cam, les voyous. Les voyous, non, mais les euros, oui. Ah oui, bien sûr. Ouais. Bon, en même temps, il est plus aussi riche qu'il y a 3 jours, hein, puisque les enquêteurs ont retrouvé 9 millions planqués dans un box que Tony avait loué. Hein. Ah merde. Apparemment, il était déjà blindé, le mec. Hein. Ouais, c'est le premier convoyeur de fond qui est plus blindé que la camionnette qui conduit. En tout cas, c'est Tony Musulin, on sait pas très bien, qui est une star partout sur Internet et même dans les médias. Les gens ont créé des groupes Facebook pour le soutenir. Il y a des t-shirts, tout le merdier. C'est un petit peu le Arsène Lupin du 21e siècle. Mais les gens, ils se font chier à faire la Starac pour devenir célèbre. En fait, il suffit juste de faire un gros braquage. Ouais, c'est clair. Bon, Tony Superstar, donc partout en France, et on attend impatiemment le film tiré de cette histoire hallucinante. Tiens, t'as pas le bras long aujourd'hui? Si, t'en fais pas, j'ai de l'exclu, hein, sur le casse du convoyeur de fond, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Venez nous dire, hein, si vous aussi vous êtes fan de Tony ou si vous seriez prêt à faire un braquage par exemple. Ça peut être bien, ouais, d'avoir quelqu'un pour ça. C'est parce qu'on a une bonne adresse, hein, si vous voulez tirer une dizaine d'écrans plats, envoyez-moi un mail, on va s'arranger. Oh, tu feras un braqueur en carton, toi. Alors, en plus, tu pourrais pas t'empêcher de laisser traiter ton ADN partout, ouais, ce serait lamentable. Bon, donc ce soir, on aura un invité dans l'émission, comme je le disais. C'est donc assurément, je pense qu'on peut dire, le champion de France du canular. Ouais. Ouais, Jean-Yves Lafesse. Ça sonnait mieux de la bouche de Tof. Oui, mais non, tu vois, je me suis dit non, je vais pas le dire, après vous allez encore dire que c'est vulgaire. Ouais, surtout c'est que ça. T'aurais réussi à dire Jean-Yves du cul, quoi. Bon, Jean-Yves Lafesse qui sera avec nous ce soir pour la sortie de son tout nouveau DVD avec, on l'espère, des séquences aussi bonnes que celle-ci. Venez voir ici, venez lui dire, parce qu'il me l'a dit. Qu'est-ce que tu as dit? Quand ils vont demander si vous êtes gay. Et oui, c'est le pays qui vous a. Ça veut dire PD. Oh non. Ah non. Voilà un exemple des conneries que Lafesse fait dans la rue. Je pense qu'on vient se marrer tout à l'heure. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. 0800 70 42 48 ou alors 6 11 12 par SMS. Débutez le message par NRJ. Faudra qu'on lui dise à Lafesse qui récupère ses 40 annuaires téléphoniques là qu'il a laissé traîner dans le studio. Ouais, oui, alors ça, c'est un truc de fou. Ouais, je savais pas que c'était à lui parce que moi j'allais faire le ménage et tout virer. Ah non, mais c'est un truc de malin. En fait, il enregistre les canulars pour Rire et Chansons dans le même studio que nous. Hein, donc studio top technologie. Il y a internet partout. Donc tous les numéros de téléphone de la Terre dispo via un fil. Et Lafesse, lui, se trimballe avec 30 kilos de bottes. C'est quand même, c'est quand même surréaliste. Enfin bon. Bon, et puis ce soir dans l'émission, on se penchera largement sur Twilight. Voilà. Eh, oui, ouais, j'ai vu qu'une des actrices du film, elle avait posé nue pour PETA. Alors bon, moi, je veux bien me pencher sur elle. Hein. Ouais, je ne t'écoute même plus, Tof. C'est bon, dommage. Vous le savez, donc Twilight Temptation, le deuxième volet du film, donc sortira partout sur Terre la semaine prochaine. Et les acteurs du film sont à Paris pour assurer la promo. D'ailleurs, si Robert Pattinson il cherche une fiancée. Tu peux pas là, t'es déjà maquillé avec le convoyeur de Lyon, non? Ah bah oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça, ouais. Bref, hier on s'était fait passer pour la Warner et on avait appelé des hôtels histoire de leur demander si on pouvait avoir des cercueils et des pochettes de sang dans les suites des hôtels, évidemment. Ouais, a priori on s'en est pas trop mal sorti. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, on vous fera réécouter ça tout à l'heure en version best-of. Et puis, vous le savez aussi, Robert Pattinson était face à Laurence Ferrari tout à l'heure dans le JT de TF1. On essaiera de voir ce qui s'est passé sur la une tout à l'heure. Donc, à capter le gros succès de ce film. C'est vrai que c'est un carton de chez carton. Hein. Ouais. Bah, venez nous expliquer, tiens, tout à l'heure, ce qui vous fait autant kiffer dans Twilight, histoire qu'on comprenne un peu mieux. 0800 70 42 48, vous appelez Micha au standard, qui n'a rien à vampire, hein, je vous rassure. Par contre, le roux a peut-être des origines. Oui, c'est vrai, mais moi je veux bien devenir vampire, parce qu'ils sont immortels, c'est ça? Oui, c'est vrai. Voilà, bah, ça va faire des super placements à la banque. Ça. Oh, c'est pas vrai. Bon, 6-11-12, vous le dites aussi hein, par SMS, 6-11-12, débutez le message par énergie. Bon, je pense que le décor de l'émission est planté. Le moment est venu d'écouter les messages que vous nous avez laissés sur le répondeur de l'émission au 01 40 71 3400. Le plus original repart avec un cadeau. Pour écouter vos messages, pressez le 1. Salut l'équipe, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, c'était un matin en sport, la prof vient me parler et je lui fais « Madame, vous tuez méchamment de la gueule. » Rétable l'opération, 2 heures de colle. La semaine d'après, oui. Elle vient me voir et elle vient me reparler. Et je fais « Instruction, vous avez toujours pas changé de dentifrice. » Elle m'attrape, elle me traîne jusqu'à le bureau de la CPE. Résultat global, 2 heures d'exclusion, plus 2 heures de colle. Quand même. Fin du message. Message suivant. Non, j'ai un coup de gueule à passer, Koé. Franchement, il faut que tu payes à manger à Mickaël et à tous son interdit quand même. C'est un crevard, tu sais, c'est un crevard, Koé. Bon, bah, bise. Et Koé, je te kiffe, mais t'es quand même un crevard. Allez, Mickaël, t'es le meilleur. Fin du message. Message suivant. Salut Mickaël, salut toute l'équipe. C'est la mamie qui a 36 ans et maman d'une petite fille de 4 ans et demi. Donc, c'était pour vous souhaiter par avance de joyeuses fêtes de fin d'année. Ah oui, et par avance. Merci de laisser un peu Sandra un petit peu au repos avec vos KitKat parce que les KitKat, c'est très très bon. Et maintenant, vous, comme on a 2 Belges sur énergie, vous pourrez donner un petit peu de chocolat belge à Sandra. Voilà, au revoir, à bientôt. Fin du message. Message suivant. Si, mamie. Ouais, je voulais juste dire à Jack qu'il peut fermer sa gueule sur le sujet qui. Je sais pas. Parce qu'il disait hier que Tokyo Hotel n'était pas né en la chute du mur de Berlin, alors que c'est pas vrai, il s'en est bien avant. Fin du message. Message suivant. Alors voilà, moi je voulais vous laisser un coup de gueule parce que vous faites toujours de la pub pour amical.fm, là, mais amical.fm c'est nul. Tout est en construction là, mais c'est quoi ça? Franchement. Fin des nouveaux messages. Je souhaitais également de bonnes fêtes de fin d'année ainsi que de joyeuses Pâques. Oui, c'est important le pack. Un petit peu en avance à notre mamie préférée de 36 ans. Elle n'est pas sûre d'arriver jusque-là, donc ouais. Ça, elle préfère nous dire. Quel enculé. Par contre. On fait gagner qui alors? Mamie, bah, on l'a déjà fait gagner. Bah non, elle n'a pas gagné tous les 2 jours. Hein. Bah, personne. Hein. Bah, pas Tokyo Hotel puisqu'elle a tort. Ouais. Attends, mais ça doit être une fan, elle est sur elle. Ils ont quoi? Ils ont 18 piges? Non, ils ont 20 ans passés du coup, oui, hein, sinon elle aurait pas dit ça. Effectivement, ils sont nés avant la chute du mur de Berlin, mais ils s'en souviennent pas. Le 1er septembre. Pardon. Voilà. Excusez-moi. Ça va, ils avaient 2 mois là. C'est vraiment chipoté pour chipoter. Mais surtout, ça, que, surtout qu'ils en avaient parlé dans une émission Chez nous? Ouais, c'était chez nous. Ah, c'était chez nous. C'était chez... Ah ouais, d'accord. De la chute du mur de Berlin, ils disaient qu'ils en avaient rien à foutre. Oui, on peut. Et pour cause, ils savent pas. Mais non, ils savent pas ce que c'est. Ils l'ont pas vécu. Voilà, ils l'ont pas vécu, effectivement, ouais. Bon, et puis ce soir, encore pas mal de cadeaux à choper dans le Chéri, je t'ai fait cocu, le jeu des amis ou encore le question pour une réponse. Les Samsung Corby, les portables Samsung Corby. Alors là, le concept est très facile. C'est des défis dans la rue, dans les magasins, dans les supermarchés, dans la place publique où il y a un maximum de monde et il faut tout simplement crier Corby très très fort, Kirby, bien évidemment, de manière à bien vous faire entendre. Pour vous inscrire, 612, débutez le message par énergie, puis vous tapez Corby et votre numéro de téléphone. Et hier, l'auditrice qui a gagné s'est aussi fait traiter de connasse. Oui, c'est vrai. C'est toujours sympathique. Elle a été frappée à la porte, elle fait Corby devant la gueule du mec, elle fait ouais, connasse. Enfin, en tout cas, on sentait l'aigreur. Hein. Ouais. Pourtant, c'était un petit village, tout ça, je comprends pas. Bon, vous pouvez aussi gagner les téléphones Samsung Corby sur energie.fr. On fait un tirage au sort toutes les heures. On aura aussi les jeux Assassin's Creed 2 sur PS3 et la PS3 qui sera gagnée également tout à l'heure, des places de ciné pour le film 2012 et puis la loi de Murphy qui vous file encore, ça s'est sorti la semaine dernière au ciné avec Énergie, les lecteurs multimédia Dane Elec Music Touch et puis les compiles Énergie Énergie Dance. Voilà. Bon, ce soir on se mettra la BO de Twilight. Ah. Avec Dead Cab for Cutie, voilà, c'est ça. On mettra ça tout à l'heure. Et puis au niveau du son, on aura aussi de Black Eyed Peas, on aura Cascada, Lily Allen, Lady Gaga. Et puis ah oui, pardon, je vous l'ai dit donc. Qu'est-ce qui se passe? Encore le son, le qui c'est du jour. Ah, ah bah oui, dites donc. Alors attention, à votre avis, qui chante ça? Ah, ils ont encore gagné la meilleure chanson française, c'est pas. Un drame, un vrai drame. Voilà, bon, mais, c'est entraînant, c'est sympa. Ça bouge. Ça m'entraîne, moi, à couper le son. Ouais, c'est, ça, ouais. c'est surtout accepte-moi dans tes friends. Ouais, on dirait le mec qui chante avec la mèche sur les yeux. Bon, si vous avez une idée, il y a les cadeaux à gagner. Peut-être même justement Assassin's Creed 2 avec la PS3 qui va avec. 6-11-12, débutez votre message par énergie avec la réponse et votre numéro de téléphone. Et puis je tiens à rappeler également à Koé qui nous doit à manger, bien entendu. Il est venu la semaine dernière, lundi dernier. Il s'était engagé à nous payer à manger. Nous n'avons pas encore de toujours nouvelles. Rien. Mais ce n'est pas grave, ça va arriver. Et juste après la pub, on s'enverra le son de Pitbull avec Hotel Room Service. Sur énergie. Bouge pas. Jack passe le balai dans le studio. Alors charge les nouveaux modèles. Il élimine tout sur son passage. Et Mickaël revient juste après ça. Le son de Pitbull, à l'instant, c'était Hotel Room Service sur RG. Bon, je vous avais dit qu'on referait péter l'extrait de qui c'est qui chante là ce soir. Mais pour entre-temps, choper. On a reçu un coup de téléphone du ministère de la Santé publique, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est dangereux pour la santé des gens. Oh non, mais non, rassurez. Enfin, c'est peut-être dangereux pour les oreilles, mais pas plus quoi. Bon, écoutez ça, il y a Assassin's Creed 2 à gagner avec la PS3. Ça m'horripile ce Friends. Bon, au début j'ai cru qu'il avait dit prends-moi dans tes fesses. Mais non, mais il le fait à toutes les phrases. Oh là là. R.O. tu m'acceptes dans tes friends sur Facebook. Il y a un mot anglais dans toutes les phrases, c'est pour ça que je vous dis qu'il va gagner le. Je peux pas, je suis trop buzzy. Oh merde, oh too bad. Ah ouais. Quelle horreur. C'est pas grave, je te kiss et à demain. Ok, ciao. Bon, si vous avez une idée du drame là, radiophonique qu'on écoute, qui est-ce qui chante ça? Non, mais c'est pas un drame. Oh, c'est chiant quand même. Non, mais la musique, le pire, c'est ça sympa, a marché quoi. Parce que c'est vrai que ça rentre dans la tête. Ah oui. Oui, ça va, franchement, ça va. Et ça emmerde. Mais il y a des gens qui vont aimer, toi, tu. Ah ouais. Ah, voilà. Ah, mais moi, j'aime pas, non. Bah, je préfère la vidéo de Twilight, alors là. Ah oui. Ah bah, mec. Death of the Cutie Beach. Mais enfin, Twilight, ça fait très vite Toilette, je trouve. Moi. Ouais, ça, c'est mais vrai. Mais je m'en fous parce que c'est Dead Cap from Cutie, c'est le nom du groupe. Très vite, pas facile à prononcer. Si, Dead Cap from Cutie. Bah, vas-y, dis-le, toi, espèce de chien. Moi, j'ai pas dit que c'était pas dur. Un taxi de la mort pour une fille un peu jolie. Death Cap from Cutie. Ouais. Je t'ai dit Death Cap for Cutie. C'est bizarre comme nom de groupe. Ouais, oh là là, tu sais, garbage, c'est pas mieux. Hein. Bah, poubelle au moins. Oui, bah oui. Bah poubelle. Oui, mais au moins, tu vois, ça. Ouais, ouais, bah oui, ouais, ça, c'est sûr. Il y a quelque chose, quoi. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, il y a le magazine Empire qui vient de sortir un nouveau classement sur les femmes les plus sexy du cinéma. Ah, je fais pas de cinéma, hein, malheureusement. Ouais, non, mais il y a Katsuni dedans. Là, j'ai dit du cinéma, ta femme. Bah, c'est du cinéma, le X, c'est du cinéma, attends. Oui, bon, bref, c'est pas grave. Bon, je vous en parle parce que à chaque fois, il y a des classements, on voit des bombes en dernier. Des boudins dans les premières places. C'est encore le cas là ? C'est vrai. Non, pas du tout. Là, il n'y a que des bombes en fait. C'est d'ailleurs ça qui est difficile. Par exemple, Monica Bellucci n'arrive que 34e. Non, c'est encore un classement où il y a un boudin à la fin. Non, ça, ça veut dire qu'au début, c'est que des bombes. Que, voilà. Enfin, moi perso, Monica Bellucci, je. Monique. Sérieusement, elle a rien quoi. Ouais, sans plus, franchement. Ouais, elle est mignonne quoi. Non. Bon. Elle est 34e en même temps. Oui, elle est 34e. Il y a déjà mieux. Elle est 34e place, moi je Elle est 34e, ne vous enflammez pas. Bref, il y a aussi Eva Mendes qui est 28e. Ah bah voilà, là c'est moche. Elle est horrible. Ah ouais, ça je suis d'accord avec comment... Non, ça dépend comment elle est maquillée. Ouais. Stop. Quoi? Laurent vient de donner son avis sur une fille. Il vient de dire qu'elle était moche. Ah, mais attends, qui a un joli corps et une tête de bonhomme. C'est vrai. Ouais, voilà, elle a vraiment une tête de bonhomme. Attends, j'ai pas vu la même alors. Celle que j'ai vue ressemblait à Cindy Crawford. Ouais, un peu, ouais. C'est un peu ça. Elle est jolie. Non, franchement, elle est pas belle. Bon, sinon, il y a Halle Berry qui est 23e. Ah, voilà, elle est jolie, elle. Ah, voilà, bah ouais. Elle est une meilleure place. Ouais, bon, et Jessica Alba qui est 21e. Là, d'accord. C'est pareil, ça m'a. Là, d'accord. Elle est assez fade, hein. Ah non, mais elle est bien roulée. Elle est bien roulée, oui, mais bon. Bon, et puis voici donc le top 5. En numéro 5, c'est Zoé Saldana, l'actrice d'Avatar. Ah oui, ça ressemble à tout le monde connaît. Ah oui, ah bon bah oui. Ah, je croyais que c'était. Oui. Moi aussi. De quoi? Rien. Bon. En numéro 4, c'est Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, tu sais. Celle qui est dans tous les films de Woody Allen. Ouais, bah, qui est dans tous les films. Ça va vachement aider. Hein, quasiment, en tout cas. Hein. Non, En numéro 2, Angelina Jolie. En numéro 3, pardon, Emma Watson. Ah, c'est élémentaire. Je vois même pas à quoi elle ressemble, Emma Watson. Ça, c'est nul. Emma Watson, attends. Je suis incapable de dire à quoi elle. Et ce qu'elle fait. Enfin, voilà. Enfin, là, on apprend qu'elle est actrice, mais. Mais voilà. Je vais checker sur. Emma Watson, je vois absolument pas dans quel film elle a joué. Surtout. Ouais. Ah, Emma. C'est Loan, quoi. Oula, déjà, il y a Emma Watson, Hot X. Ah, très bien, parfait. Je... Pour moi, comment elle s'appelle, sa doublure X. Comment elle s'appelle la meuf des Spice Girls? Parce qu'à chaque fois que je vois Emma Watson, moi je crois que c'était elle. Ah ouais, non, bah... c'est Emma Button, hein. Ouais, non, bah. Non. Mais elle a joué dans quoi? Je sais pas, mais. Bon, c'est une actrice, quoi. Hein. Ouais, non, mais c'est pas. Bah, un film au moins. Ouais, ah, j'en sais rien, moi. Et tu crois qu'il marque. Moi, j'ai juste regardé les photos. Moi, je regarde jamais. La bio, du coup. Je regarde jamais. Elle a 18 balais. Qu'est-ce qu'elle a. On va se faire insulter par texto parce qu'il y a plein de gens qui doivent la connaître. Oui, bah oui, mais voilà. Après, moi, je regarde les photos et vidéos. Vous êtes des incultes, vous connaissez. Non, mais si, on les connaît de nom, mais on se rappelle pas de leur tronche. Ouais. Harry Potter, a priori. Ah, mais si, putain, mais oui, comment est-ce qu'on. Mais oui. C'est. C'est la copine de Harry Potter. C'est la copine de Harry Potter. Mais oui, effectivement. Emma Watson. Emma Watson, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Je sais pas. Cherche son nom dans le film. Ah oui, d'accord, ok. Ursula la sorcière. Mais non. Ça rien du tout. Bon, en numéro 2, Angelina Jolie. Ouais. Et comment ça se faire vieille, hein. Ah oui, mais enfin, elle est. Oh, ça va encore. Même, hein. Elle mais est en fait, bien malgré tout. Non, c'est sa façon de se s'habiller qui l'a vieilli. En plus, ouais. Mais le pire, c'est quand. Tu sais, il y a. Elle a des lèvres énormes. Non. Donc, naturel, hein. C'est ouais, naturel. Ouais, c'est naturel. Mais dès qu'il fait froid. Eh ben, elle a des lèvres toutes, ah bon toutes dérouillées. Comment quoi. Tu sais ça? Gercé. Ça se voit sur les photos. Ah, j'ai jamais vu. Mais c'est normal, plus t'as de lèvres, plus elle gerce. Oui, c'est vrai. Ce qui est logique. Je sais pas, ça la. Je sais pas. Putain, elle doit avoir, à mon avis, elle a un camion de la Bello. Ah, c'est ouais, même pas du la Bello, elle doit mettre de la vaseline direct. Hein. Ouais, peut-être, ouais. Bon, et en numéro 1, donc c'est. Keira Knightley, la meuf de Pirates des Caraïbes. Non. En actrice. Ouais. Catherine Deneuve. Non, Juliette Binoche. La France. Non, c'est une américaine. Ouais. Brigitte Bardot. C'est que des américaines depuis tout à l'heure. C'est. Megan Fox. Ah oui, ah, oui bah oui. Oui, eh, oui. Je suis 10 fois plus belle qu'elle, hein. Avec Photoshop. Ah oui, oui, oui, oui, d'accord. Oui, avec ça Photoshop, va, heureusement ouais. Que t'as fini ta phrase. Ah, ouais, c'est, pour le coup, ça prouve que le classement est plus ou moins fidèle, puisque la plupart des gens trouvent que Megan Fox ressemble à Angelina Jolie. Par contre, il y a un truc que je comprends pas. C'est une actrice, c'est une pin-up, c'est quoi cette meuf? C'est une actrice, ouais. C'est une actrice, ouais. Elle a commencé en tant qu'actrice. Elle a pas fait Playboy. Non. Oh, je sais pas en tant que quoi elle a commencé. Elle a fait la couverture, mais... oui, de Playboy, mais. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Bon, et puis je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une meuf qui n'est jamais dans ce genre de classement. Qui ça? Amy Winehouse. Ah, ah bah oui. C'est normal, hein. C'est bizarre quand même. Ah bah non, c'est pas bizarre. Peut-être ça va pas tarder puisqu'elle est en train de se faire refaire tout le corps. Oui, oui, alors ouais. elle a déjà refait les seins, donc mais ça c'est tout fait. Tout le monde l'a vu. Ouais. Elle les monte partout en plus. Hein. Ouais. Elle fait exprès de mettre des robes plus petites pour que les seins ils sortent du décolleté maintenant pour que les paparazzi shootent. Et vous croyez est-ce que tu peux opérer quelqu'un quand t'as 10 grammes? Normalement, t'es censé prévenir au moment où tu sais, avec l'anesthésiste, ouais. Prévenir de tout ce que t'as bu, tout ce que t'as mangé, si tu fumes, tout le machin, pour pas prendre de risque. Ouais, il me semblait qu'à un certain niveau d'alcoolémie, tu pouvais pas opérer parce que en fait, le sang devenait beaucoup trop liquide. Bah, ce qui est bizarre, c'est que dans les journaux, tu voyais qu'elle avait arrêté soi-disant la drogue, oui. Etc., qu'elle s'était mise à la gym. Mais elle a peut-être fait ça pour justement pouvoir se faire opérer en fait. Oui, bon, alors ça veut dire que ouais. Si t'es torché, que t'as un accident, fracture ouverte, on t'opère pas. Bah non, mais c'est peut-être une grosse connerie hein, ce que je viens de dire. Hein, mais je sais rien. Mais en l'ouvrant, apparemment, ils ont trouvé une bouteille de Jack Daniels. Bref, mais, donc, ouais, non, mais par contre, s'il y a bien une meuf que je me taperais pas, moi c'est bien elle. Hein, ah bah ça tombe bien elle non plus. Ah bah. Est-ce que tu crois que quand t'as fini de coucher avec elle, t'es bourré? Peut-être. Bon, la vie, rien qu'en parlant avec elle, t'es bourré, ouais. Je crois. Bon, donc maintenant qu'elle a de nouveaux seins, Amy veut se faire refaire les fesses. Ah bah. Et ouais. Et en même temps, il y a du boulot. Ouais, en fait, elle veut retrouver le look pin-up dont elle a toujours rêvé. Et rappelez-vous, quand elle est allée voir un marabout il y a quelques semaines, on avait réussi à se procurer l'entretien. Oui, je me souviens bien. Ouais. Ah ouais. Et ben cette fois, c'est pareil. Nous avons en exclusivité la conversation d'Amy Winehouse chez le chirurgien. Bonjour, docteur. J'ai un truc un peu spécial à vous demander. Non, Amy, je suis désolé. Je n'ai plus d'alcool à 90 degrés. David Asseloff est venu avant vous. Non, ce n'est pas pour ça. Pour la morphine? Écoute, Loana est passée me voir ce matin, donc... Non, mais c'est fini pour moi, la drogue. C'est ça, ouais. Quand les poules auront des dents. Si, je vous jure. Attends un petit peu pour voir, bouge pas. Mais, docteur, qu'est-ce que vous faites avec cette poule? Je vérifie. Anyway, vous savez, dernièrement, je me suis fait refaire les seins. Vous voulez les voir? Ouais, montrez-moi ça. Voilà. Ah, oui, pas mal du tout, pas mal. Par contre, c'est voici. Le magazine. Oui, et donc maintenant, je voudrais me faire refaire autre chose. Ah, enfin, on va s'occuper de ton visage. Parce que je t'avoue que quand je te regarde, j'ai l'impression de voir un tableau de Picasso. Hein. Oh, merci, c'est trop mignon. mais je veux pas me refaire le visage. Je voudrais m'occuper de mes fesses. Tes fesses? Mais pourquoi faire? Bah, hier, j'ai demandé à Pete Doherty ce qu'il faisait ce week-end. Et il m'a répondu, occupe-toi de ton cul. Alors, je suis là. Ouais, mais je... Quoique, c'est vrai que t'as quand même une belle culotte de cheval, hein. Oh, merci. Ça fait 2 compliments aujourd'hui. Bisous. Oula, ouf. Par contre, je vais te filer le numéro d'un ami dentiste, hein. Parce que si je t'enlève cette culotte de cheval, il n'y a plus aucune raison pour que tu gardes cette haleine de poney, hein. Voilà, donc vous en... est-ce que vous pensez qu'il y a encore quelque chose à rattraper chez elle? Ah bah oui. Son j'sais bar pas. Son bar, ouais. Je sais pas, je sais pas. Ah, sa voix quand même, elle chante super bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, on ouais. l'oublie souvent. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on l'oublie, hein, on l'oublie. On oublie bon. Qu'elle est chanteuse. Et puis il y a cette info aussi sur Superbus. Ah, ça y est, ils ont crevé. Oh là là. Oh, c'est nul. Ouais, c'est pas terrible. Oui. Non. Jennifer, donc des Superbus, qui a déclaré qu'elle avait déjà brouté du minou. Ah bah c'est classe. Ah, je commence à bien aimer Superbus, moi. Ah, c'est ça. Ça vient de là en fait, Lola. La chanson, exactement. D'ailleurs, elle dit qu'elle aime Lola comme un garçon. Ah bah oui, c'est vrai qu'elle le dit dans les paroles. Voilà. Bah oui, elle le dit dans les paroles, ouais. Ouais, mais on est un peu con, on n'a pas réfléchi. Donc, oui, c'est ça. C'est ce que je nous reproche assez régulièrement. Ça aussi, tiens, c'est ce que je nous reproche assez régulièrement. Bon, suite des infos people tout à l'heure avec David Guetta notamment. Hein. Ah ouais, j'ai vu ça, il s'est tapé une grosse honte. Ouais, une boîte. Ça c'est clair. Bon, on en parlera tout à l'heure. Et puis on va parler aussi de notre ami Tony. Ah Tony. Eh oui. Tony. Bon, vous avez Tony forcément. Le ouais, Tony. Pourquoi tu fais la? Je sais pas parce que qu'il est même pas. Il est même pas anglais. Hein. Non mais j'entends Amy Winehouse là, donc. Ah je d'accord. Suis okay. En live, en accent. Donc forcément vous en avez entendu parler. Hein, donc peut-être même qu'il vous fait rêver vous aussi. Un homme, Tony M, a fait sauter la banque. 11 millions d'euros volés par ce convoyeur de fonds, quand même. C'est bravo, mal, félicitations. Ah ouais, c'est ça qui est bien. C'est un convoyeur de fonds qui s'est braqué lui-même, en gros. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que les Français se passionnent pour ce mec. Alors, il n'a pas utilisé d'armes, il n'y a pas eu de violence. C'est un peu le Robin des Bois des temps modernes. Ah ouais, mais sauf que Robin des Bois, il redistribue les fonds. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, un peu ce qu'il a fait, Tony, puisqu'il a rendu 9 millions d'euros aux flics déjà. Ouais, c'est vrai. Oui, effectivement. Alors, les ça, flics ont trouvé 9 des 11 millions volés dans un box. Alors, il les avait cachés là en pensant venir les récupérer plus tard. Mais c'est du mytho, en fait, c'est un pot de vin. Ouais. Non, ça fait un gros pot de vin. Ouais. Ce qui est bizarre, c'est comment les flics peuvent se dire, tiens, il a mis ça là pour venir les récupérer plus tard. Pourquoi il en a gardé 2? Bah parce que c'est j'ai la photo de 11 millions de 9 millions et je peux t'assurer que tu te balades pas comme ça tranquillement. Ouais, bah enfin même 2. Ah oui, ça fait beaucoup de pieds. Ouais. Ah oui, quand même, oui. Mais même. Ça fait un mur. Faire un mur avec ouais, enfin, même 2 millions. Même 2 millions, tu vois, à la limite, peut-être qu'il les a baisés. Il est peut-être intelligent, il s'est dit je vais laisser les 9 millions, comme ça, ils vont bien galérer, ils vont imaginer que je vais revenir les chercher, etc. Pour l'instant, oui. Là, moi, je m'en vais. Avec 2 millions, c'est mieux que rien. Hein. Ouais, mais dans ces cas-là, tu laisses 2 millions en les laissant chercher, en les laissant penser que tu vas revenir. Justement, là, comme il y a la plus grosse partie du magot qui est restée là, ils doivent se dire, on va l'attendre. Non, mais justement, il leur a filé 9 millions à se partager, comme ça, il le laisse tranquille pour les 2 millions restants. Ah, ça, c'est une bonne technique. T'as raison, en fait, on s'est tous fait enfler parce qu'il y avait bien les 11 millions, mais les flics ont gardé. Les flics les ont trouvés, ont pris 2 millions pour eux. Bon, bref, vous, dites-nous tout simplement si vous avez un avis, hein, si vous comprenez pour qu'il soit devenu l'idole du net, là. Si ouais, c'est vrai. Débutez votre message par énergie ou alors sur mikael.fm ou encore vous appelez au 0800 70 42 48. Il y a plein de groupes sur Facebook qui ont été créés et il y a même, c'est pareil, j'ai pris la photo aussi, c'est sur son site internet, non enfin c'est pas le sien, hein, mais c'est tonymusuline.fr. Et bah tu peux acheter des t-shirts. Le roux d'ailleurs va s'acheter un petit mug. Ouais. Ah, très bien. Sur Facebook, on en parle. Il y a un groupe qui s'appelle Tony Musulin, plus fort que Tony Montana. Bon, on en parle dans 3 minutes, ne bougez pas de là, on fera le jeu les amis. On aura aussi tout à l'heure l'interview de Jean-Yves Lafesse qui sera avec nous. Ne bougez pas de là, ça arrive juste après ça. Ja oui, du bonsoir, c'est Maître Peters. Quand c'est du soir dans le radio, moi j'écoute Michael hein, de 21h jusqu'à midnight. Hein. Du dimanche au vendredi, 21h minuit. C'est du Michael de 21h jusqu'à midnight. Et c'est Maître Peters qui le dit. Bon, et on est là comme tous les soirs, 21h minuit sur Énergie, avec vous toutes et vous tous en direct. Un message qui est arrivé, puisqu'on en parlera tout à l'heure là de Twilight. Je suis fan de Twilight depuis plus d'un an. J'ai découvert les livres et j'ai adoré le film. C'est Jessica qu'on demandait d'où venait cette passion pour Twilight. On en parlera tout à l'heure. On parlera également, on diffusera également la BO de Twilight que je vous ai fait découvrir la semaine dernière. Et puis nous allons jouer au jeu des amis maintenant avec Jennifer, 24 ans. Salut Jenny. Salut Mickaël, salut. Comment ça va? Très bien, et vous? Bon, ça va bien, ouais. Bienvenue à toi Jennifer, on va donc jouer au jeu des amis maintenant. On va appeler Alice, Renaud ou Marion. Marion. Marion, allez c'est parti. Tiens, t'as entendu parler toi du casse du siècle là, le français là? Ouais, bah ça serait bien qu'il nous en donne un petit peu. Tu m'étonnes. Tu voudrais te marier avec lui? Non. Ah, d'accord. Allô Marion? Oui. Salut Marion, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Énergie. Ah, salut. Bon, je t'appelle avec Jennifer. Tu connais Jennifer? Ah bah oui, ma nounou, oui. Bon, bah parfait. C'est qui? Ma nounou. Ta nounou? Non, nounou, c'est ma meilleure amie. Ah, et tu peux pas dire mon ami, ma meilleure amie? Ma mimi. C'est ma mimi. Ouais, mais c'est ma mimi. Ensuite, tu veux dire, mais tais-toi, là. Bon. On y va, Jennifer, Marion en l'occurrence, puisque je vais te poser 10 questions sur Jennifer. Il faut que tu répondes correctement à 6 sur 10. Si tu sais pas, tu passes, c'est considéré comme une mauvaise réponse et il faut répondre du tac au tac, d'accord? D'accord. Allez, t'as première chaud, question, hein. Anne, attention, on y va, vous êtes prêts? Oui, ouais. Allez, top, quelle est sa série télé préférée? Je dirais Doctor House. Non, les frères Scott. Combien de piercing possède-t-elle? Comment? Combien de piercings possède-t-elle? C'est dur. Un seul, effectivement, bonne réponse. Oui. À quoi est-ce qu'elle est allergique? À rien. Au chat, enfin au poil de chat. Quelle est la marque de sa voiture? 306 Peugeot. Combien? Peugeot 306. 306, bonne réponse. D'accord. Eh ouais, d'accord. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, combien d'animaux possède-t-elle? Un. Non. Quatre. Les moutons, merde. Non, un chien et trois moutons. Comment on peut avoir trois moutons dans la vie? Je sais pas. Surtout que soit t'en as plein, trois. En éleva, mais trois. Ouais, trois. Pourquoi c'est t'en as nul. Que trois? Je comprends pas, Jennifer. Bah, du fait que j'ai 8000 mètres carrés de terrain et en fait on met une journée à tondre notre pelouse. Ah oui, c'est que c'est considéré comme une tondeuse à gazon, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Bon, allez, la suite. À quel âge a-t-elle eu sa première relation sexuelle? 14 ans, non, 16. Ah, dommage. Ouais. Combien de partenaires sexuels a-t-elle déjà eu? 3. Non, 4. Eh ouais. Elle est pas loin. Eh oui. Quel type de sous-vêtements préfère-t-elle porter? Non, des tangas. Bah, c'est beau. Eh bah oui, c'est beau. Pareil. Quel est... Non. Quel est son plus grand fantasme? Je sais pas du tout. Faire l'amour à plusieurs. Et quel est le lieu le plus insolite où elle ait déjà fait l'amour? Je sais pas. Eh bien, devant chez son père. Une vraie cochonne. Voilà. Tu me diras, quand t'as 8000 mètres carrés, devant, ça peut faire loin. Ouais, c'est vrai. 8 mauvaises réponses. Ah oui, c'est pareil, il y a 8000 mètres carrés, 8 mauvaises réponses. Bravo. Bravo. Si vous étiez connecté sur amickaël.fm, sur la webcam, il y a quelques secondes, vous avez pu voir la lune du roux. Ah. Non, bah non. Et quelle lune? La plus belle de France. Elle est pleine. Ah oui, ça c'est clair. Bon, bah c'est perdu les filles, hein. Jennifer, Marion, désolé. Tant pis, c'est pas grave, ça fait plaisir de passer. Bah, voilà. Avec plaisir, et puis vous revenez quand vous voulez. Hein. Et puis si tu veux, Toff passera à l'occasion. Hein. Avec les moutons, c'est toujours été son kiff. Ouais, c'est vrai, c'est avec les moutons qui regardent. Hein. D'ailleurs, combien mesures-tu? C'est femelle en plus. Combien mesures-tu? C'est Marion, c'est... Jennifer. Jennifer, pardon, combien mesures-tu? 1m65. Combien pèses-tu? 60 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 90 C. Ah oui. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? Du 40. Oui, bah, je peux venir faire ça à plusieurs quand tu veux. Hein. D'accord. Avec les moutons à côté, ça sera parfait. Quel horreur. J'ai toujours rêvé de faire l'amour dans la laine. Bon, Jennifer et Marion. Il est malade, hein, celui-là. Jennifer et Marion, je vous fais des gros bisous et vous revenez quand vous voulez, d'accord? Il n'y a pas de problème. Salut. Gros bisous. Eh ben voilà, bonne chose de faite. Nous allons refaire un jeu des amis, bien évidemment, demain. Et puis là, on a Alain qui est là. Salut Alain. Salut Mickaël, salut l'équipe. Oui, salut. Ça va bien? Ça va, super. Bon, bon, ouais, ça va, tranquille, tranquille. Bon Alain, toi tu voulais réagir par rapport à notre braqueur national là? Ouais, exact. Ben, moi, pour moi, le Fugas, c'est une star. Hein. C'est une star ou une tare? Non, c'est une star. Ah, c'est une star, d'accord, ok, ah ouais. Très bien. Bah, il a tué personne, il a fait de mal à personne, il a piqué le pognon, il s'est tiré. Enfin, ouais, ça dépend, il a piqué le pognon à quelqu'un à un moment ou à un autre. Hein. Ouais, mais c'est bah, à, la à la banque. Oui, c'est vrai, et là on merde ouais, la banque. On est attiré, chier pour la banque. De quoi? On est assuré, donc ça va. Oui, c'est vrai, oui, oui, ils c'est sont, vrai. Ils non, sont assurés. Non, mais oui, déjà, ils sont assurés, mais c'est vrai qu'au final, tu sais, c'est pas comme un gars qui arrive dans une banque avec des flingues qui tirent sur tout voilà, le monde. Exactement, ouais. Mec, il a fait ça intelligemment, c'est vrai, c'est voilà, vrai. D'ailleurs, ça se trouve, il nous écoute là. Ouais, c'est bah, ça qui bravo. Est tu passes un gros coucou, hein. Ah, oui, c'est vrai. D'ailleurs, si t'as besoin d'un truc, je peux toujours. Tu peux t'héberger au Portugal. Ouais, par contre, tu peux lui acheter. Non, dis pas des conneries pareil. Il passage à Strasbourg, il peut vous ramener un peu. Ouais, ouais, bah, à mon avis, il est plus en France, et t'inquiète pas. Bah. Enfin, ouais, quoique. Bah, on sait pas, Mais moi, je pense qu'il n'était pas tout seul non plus, hein, dans le coup. Bah, faut voir. Hein. Parce que, encore, la meilleure planque après un braquage, c'est de rester à côté. Mais personne va te chercher là, ils vont chercher. Regarde là, ils sont partis dans les pays. Ils font le tour du monde pour le trouver. Ça se trouve, il est à 500 mètres de là où il a laissé les habits au-dessus du commissariat. Il est pas loin du commissariat, peut-être. Bah ouais, ou alors mieux. Et encore mieux, ça se trouve, il est chez lui, le gars. Non, ou alors ça serait gros. Ou alors il a planqué. Il est devant chez toi quand tu rentres. Ouais, c'est clair. Non, ou alors il a. Merci, c'est sympa. Ou alors il a planqué l'oseille. Il a planqué l'oseille. Il s'est fait arrêter en état d'ébriété et il est en prison. Là, il attend. Ça se serait très malin qu'il fasse ça parce ouais, que là mais bon, c'est un peu vrai. Le pire qui risque c'est 3 ans de prison. Donc si t'es intelligent, tu planques ton fric, mais bien, hein, tu vois, bien comme il faut. Tu dis jamais ouais, où il est, tu ouais, fais tes 3 ans de prison, tu ressors, t'es libre et tu profites. Ouais, de alors tu es traqué, mec. Il fera 3 ans, s'il se porte bien, s'il se comporte bien, bah après, déjà, il est dehors. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Mais attends, après, j'ai dit en état d'ébriété, c'est pas parce que tu peux être sur la voie publique en état d'ébriété, hein, cela dit en passant. Hein, bon, enfin, bon. Mais ils sont capables de l'arrêter, de l'emmener au poste, les keufs, et de le relâcher, de pas capter que c'est lui. Hein. Ouais, ça, oui, c'est déjà arrivé. C'est vrai, c'est vrai. Bon, bref, attends, il y a aussi Stan qui est là. Salut Stan. Allô, bonsoir les amis. Comment ça va? Bonsoir. Ça va et vous? Bah écoute, ça va plutôt bien, oui, ça va plutôt bien. Bon Stan, toi ton avis? Moi mon avis, Alain, c'est ça Alain? Alain? Ouais, il est là Alain, ouais. Je peux te poser une question Alain? Dis-moi dans quel monde tu vis? Tu crois que t'es dans le pays des bisounours ou quoi? Ce Tony Musulin, c'est un criminel. Il a commis un délit, il doit être puni. Qu'il ait fait ça dans les bonnes choses ou... Oui, c'est un criminel. Oui, c'est dur. Attends, c'est dur. Bon, attendez. Non, mais attends, attends. Moi, vous me faites rire. Ça fait 2-3 jours là, que j'écoute la radio, que ce soit les médias, la radio ou sur Internet. Tout le monde est en train de l'idolâtrer. Vous croyez que c'est qui? Eh, il a quand même pris 11 millions d'euros. Tu crois vraiment qu'il va te donner un centime? C'est peut-être Robin des Bois. Il n'a peut-être pas encore eu le temps de remettre son argent. Robin des Bois, est-ce que vous avez entendu parler d'une certaine personne dans les rues de Lyon ou de je ne sais d'où qui a distribué des enveloppes de 100 euros? Ouais. On n'a rien entendu, non, on est bien d'accord. Par contre, il y a un site internet qui le fait bientôt à Paris. On n'a jamais dit qu'il fallait qu'il nous reverse de l'argent. Non. Je suis entièrement d'accord avec toi. Quand j'entends les médias, quand je regarde sur internet, regarde le site internet, ouais, Tony Musulin, il a fui, il a tout compris, ça veut dire quoi ça? Il a commis un délit, il est clair que la loi, elle est mal foutue, parce qu'il a quand même volé 11 millions d'euros, il aura droit à une peine de 3 ans de prison. Elle est mal foutue la loi, c'est vrai, elle est mal foutue, d'accord? Il a fait ça sans agression, il a blessé personne, ok, il n'y a pas de problème. Mais c'est un voleur, tu voles la peau de yaourt, mais bien sûr que c'est un voleur, mais bon, voilà. Tu voles une voiture, tu dois être puni. Mais c'est vrai que c'est 11 millions d'euros. Moi, je comprends pas pourquoi les gens ils font des t-shirts à son effigie. Non, mais c'est vrai. Bien évidemment, ouais. T'as raison. Après, effectivement, d'avoir réussi à pécho 11 millions à l'État, c'est énorme. Enfin, c'est. Bravo. Oui, c'est énorme, c'est sûr. Mais ça reste un criminel. C'est oui, parce que là, tu sais que Nicolas Sarkozy doit revendre son avion, là, à cause de cette histoire. Hein. Là, il peut plus le rembourser maintenant. Il ferait mieux de pas acheter des douches à 250 000 euros pour pas les utiliser. Ouais, c'est clair aussi. Attendez, chacun son tour. Ça me fait marrer tout ça. L'autre, tu dis oui, il a pas volé. Il a fait bien, mais pour ça, c'est bien. Vous rigolez ou quoi? Il a volé. Non, on va te voler ta voiture sans agression. Tu vas rentrer chez toi, on va te voler ta voiture. Lendemain, tu vas pour aller au boulot. Tu vois plus ta voiture, tu vas dire, ça y est, il m'a volé ma voiture. Ouais, mais là, c'est pas pareil, c'est pas une voiture, c'est une banque. Ouais, mais en fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est un vol. À la base du truc, c'est que c'est un vol. Il a volé, c'est vrai. Il a volé. Oui, c'est les vrai, t'as raison. Les escrocs peuvent bien se voler entre eux. Ah oui, ça va. Non, mais c'est vrai, voilà. Non, mais t'as raison dans l'absolu, on est et d'accord. Là-bas, quand elle a volé là, à tous les gens qui avaient épargné. T'étais là pour crier. Dans l'absolu ou pas, j'ai raison. C'est un vote, il est puni, c'est tout stop, on n'a pas lui donné après. Mais on dit pas qu'il faut pas qu'il soit puni. S'il se fait pécho, ce sera tant pis pour lui, il sera puni. On s'en bat les couilles. Mais moi, ce qui me fait marrer, c'est quoi? C'est tous les gens qui font des t-shirts, des ouais, c'est un héros. Mais arrêtez, vous croyez vraiment qu'ils vous donnent un centime ou quoi? Ils vous calculent même pas. Et le pire, c'est que les mecs qui ont fait le site internet pour récupérer des t-shirts, eux, ils vont se faire de l'argent sur sa gueule. Ah oui, bah eux, par contre, ils vont se faire de l'oseille, effectivement, ouais. Bon, Stan. Mais voilà, justement, exactement, ils vont se faire de l'argent sur ce. Mais qu'est-ce qu'il en a rien à foutre des t-shirts? Il est fédère, Stan. Il est là devant la télé. Ça se trouve qu'il est là en train de la télé, en train de rigoler. Mais non, franchement, je pense qu'il rigole pas et qu'il est en panique de se faire serrer aussi quand même. Ah, ou alors il est peut-être. Il rigole le mec. Je sais pas. Bon, Stan et Alain, merci à vous deux en tout cas d'être passés. Je vous renvoie chez Michel au standard. On va reparler encore de tout ça tout à l'heure. Donc si vous avez votre mot à donner, n'hésitez pas. Les Mexicains d'ailleurs sont partis enquêter. Hein. Ils sont partis voir s'ils retrouvent le gars. Ouais, c'est mal parti. Ouais, c'est mal parti. Ouais, parce qu'ils sont pas encore partis d'ici. Mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller. Et puis dans un instant, on vous diffuse l'interview donc de Jean-Yves Lafesse et on se mettra aussi tout à l'heure aussi la musique de Twilight et on envoie aussi David Guetta avec Sexy Bitch. Voilà le son à l'instant de Lady Gaga avec AA sur Énergie. Et le premier gagnant pour le Samsung Corby sur Énergie.fr, c'est Amandine de Vorep qui a gagné. Vous pouvez encore jouer sur Énergie.fr ou alors à l'antenne directement en vous inscrivant au 612. Débutez votre message par Énergie, puis vous mettez Corby avec votre numéro de téléphone. Voilà. Oui, on en parlait tout à l'heure là justement de Tony Musulin ou Musulin. Alors je sais pas comment on dit Musulin ou Musuline. Musulin, ouais. Bon, Musulin, Tony M, voilà. Donc le célèbre braqueur qui n'arrête pas de faire parler de lui. Il est devenu donc la star du net à tel point qu'Hollywood envisage de faire un film sur lui. Alors vous en pensez quoi en deux mots, Alain et Stan? Non, parce que je vous vois arriver, hein. Alain. Ouais, un film. Ouais, un film sur lui. Alors, bah ouais, pourquoi pas. Écoute, ils ont fait tellement de films sur d'autres. Même les Français ont fait un film sur Mesrine. Les frites. Sur Mesrine. Ah, Mesrine. Ah, non. Ah, ils ont fait un film sur Mesrine. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et toi, Stan? Alors là, on est parti pour 10 ans. Stan, il va se vénérer. Stan? Oh, c'est pas grave. Ouais, un film. C'est quoi? C'est 1h30 en général. Hein. Bah, ça dépend comment ça se termine cette histoire là. Tout de suite, ça sert à rien de faire un film. Ah bah non, mais le temps qu'ils l'écrivent, le temps qu'ils prennent. Je peux vous poser une question, vous? Vas-y, vas-y, Stan. Vas-y, mets-nous un coup de pression. Vas-y Stan. Non, mais c'est pas un flingue, je pose une question. Parce que vous l'idolâtrez, vous. Honnêtement. De quoi? Vous l'idolâtrez, je sais pas, vous pensez que c'est bien ce qu'il a fait? Non, c'est pas de bien. De là, idolâtrer, faut pas abuser. Non, c'est pas. Oui, en fait, pas abuser, c'est Stan, une histoire qui passe pas inaperçue, donc forcément d'accord, on en parle et on en parle avec les auditeurs. D'accord, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, moi je l'idolâtre pas. Stan, moi, je pense que si j'avais été à sa place, je les aurais pris les 11 millions. Moi, par exemple, je trouve ça, c'est effectivement mal ce qu'il a fait de voler. Mais là où je le trouve fort, c'est qu'il a réussi, et ça c'est quand même un exploit, à déjouer tous les systèmes de sécurité. Et malgré les milliers d'hommes qui sont à sa recherche, eh ben on le trouve pas. Il s'en sort. Tu vois, c'est ça qui est faux. C'est ça qui est entre guillemets beau, c'est qu'il a réussi à niquer le système. C'est pour ça que j'ai mis entre guillemets. C'est hors du commun. Faut pas exagérer. Faut, je sais pas, vous mesurez. Les gens ne mesurent pas ce qu'ils disent. C'est un braquage. Je sais pas. Oui, mais regarde, toi, t'as ton avis sur la question. Non, ah si, t'as ton avis là-dessus quand même. T'es venu le donner là. Non, c'est pas mon avis. Bah, c'est t'es venu. Il a volé. Arrête de me dire c'est mon avis. Il a volé. Tu es venu dire que tu l'idolâtrais pas et que ça t'énervait les gens qui l'idolâtrent parce qu'il a volé, que c'est un voleur et que donc tu as venu donner ton avis. Exactement. Donc voilà, nous on fait juste on parle d'une information dont tout le monde parle et on vous demande votre avis. C'est tout ce qu'on fait, nous. C'est normal qu'on en parle. Non, mais toi aussi t'en parles, tout le monde en parle. Vas-y, pose le flingue, Sandro. Non, mais. Pose l'arme. Il a réussi à se pointer dans les commissariats sans se faire repérer aussi, hein. Oui, non, mais c'est vrai. Mais c'est ce que je disais qui était beau. Mais attendez. Parce que, non, il faut quand même qu'on en parle aussi. Donc, pour l'accompagner dans son rôle, puisqu'on reparle aussi de son film un petit peu, enfin, de son film. Rien n'est fait, mais bon. Donc, ils ont décidé de lui faire partager l'affiche avec l'un des plus gros braqueurs du cinéma, Jason Statham. Ah ouais, c'est le mec du transporteur. C'est le transporteur, ils en ont fait 3. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais, attends, si je me souviens bien, dans le transporteur 1, dans le transporteur 2, dans le transporteur 3, c'est à chaque fois les mêmes histoires, les mêmes cascades et les mêmes acteurs. Bah ouais. Et c'est produit par Luc Besson, c'est ça? C'est ça, ouais, exactement. Voilà, ouais. Tout s'explique. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Jason Statham, oui. C'est bien le mec qui joue dans Braquage à l'anglaise et Braquage à l'italienne, non? Bien, ouais, c'est lui. Ouais. D'ailleurs, vous savez qu'il y a encore un doute concernant Tony M. Je dis M parce que je ne sais jamais si on dit musulman, musuline, musulman, je ne sais pas quoi. A-t-il agi seul? Avait-il un complice? Non, je ne pense pas. Eh bien, pour Hollywood, ça ne fait aucun doute. Tony M n'était pas seul. Voici en full exclu la nouvelle super production américaine qui va forcément faire un carton. C'est la chance de notre vie, Jason. On ne peut pas la laisser passer. Bah, le problème, c'est qu'on est en France. C'est bien pour ça qu'on devrait peut-être y arriver. L'histoire insensée d'un braquage historique. C'est bon, Jason. Les convoyeurs sont partis pisser. On met ce qu'on peut dans les sacs et on se tire. Lyon, 2009, le braquage du siècle. Hier soir, la police a essayé de localiser un braquage de banque de plus de 11 millions d'euros. 300 000 livres. Non, Jason. 11 millions d'euros en livres, ça fait beaucoup plus. T'es un bon braqueur, mais t'es un peu teubé quand même. Nom de Dieu. Imaginez un crime ridiculisant les forces de l'ordre. Jason, pour notre évasion, tu crois vraiment que les flics nous retrouveront pas dans une forêt? C'est ça l'image que t'as de la France? Ouais, sauf que les gens vous le disent pas en face. Plus fort que Jean-Pierre Trébert. On va cacher l'oseille dans un box et on viendra la récupérer en pleine nuit avec ça. C'est une lampe torche! Ils avaient tout prévu, même les complices. Alors on est bien d'accord, Nana. On te laisse les 9 millions qui te manquent pour racheter l'OM. Et c'est quoi la suite, Jason? On veut en échange un document garantissant notre sécurité délivré par une personne de renom. Le Premier ministre, ça va? Il a dit de renom. Le Premier ministre, il sert à rien en France. Bon, bah voilà. Jason, ça tirait toi si Nana, il nous avait le président? Ouais, d'accord, si t'arrives à le faire descendre de son yacht. Ah non, non, non, c'est pas le sien. C'est celui de Bolloré. Et de toute façon, il veut plus s'en servir, donc c'est bon. Ils seront traqués par toutes les polices. Profitons de la manif pour nous enfuir, Jason! C'est parfait! Qu'est-ce que vous voulez? Ah, mais on s'en fout de ce qu'ils veulent! Arrête, non, non. Ils font la grève, c'est tout, c'est bon, c'est la période. Viens, on a l'habitude ici. Braquage à la française. Bientôt sur vos écrans. Ah, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Maintenant, après, il y a beaucoup de choses qui ont de la gueule comme ça. Après, il faut voir au ciné ce que ça donne vraiment. Mais si c'est Besson, ça devrait aller. Mais ça a de la gueule. Et on essaie d'avoir un rôle. Un rôle? Ouais. Bah, apparemment, il a déjà été fait le film. Hein. Non, mais c'est pas grave. Ça a des écrans, je vais là. Jouer le guichetier, moi. Non, mais le 2, ils vont bien faire un 2. Ou le mec au péage. Non, tu peux jouer. Je leur rendrai pas la monnaie comme ça. Tu peux jouer le banquier qui laisse partir le gars. Parce qu'en fait, il est parti avec 4 millions de trônes. Normalement, il avait pas le droit de transporter ses 4 millions. Et donc, le banquier a dû le convaincre, Tony, de prendre les 4 millions en plus. Je trouve ça quand même assez drôle. C'est pas mal. C'est pas mal. Énorme. Bon, dans un instant, on vous rediffuse donc l'interview de Jean-Yves Lafesse qui était passé nous voir dans quelques secondes. On fait ça donc. Et puis, en attendant, on se fait une petite pause maintenant avec le son de David Guetta, Sexy Beach. Et on vous dit, bon, on peut peut-être le mettre encore un petit coup vite fait, la chanson là, qu'on cherche depuis le début de l'émission. Voilà. Si vous avez une idée de qui est-ce qui chante ceci, il y a une PS3 et le jeu Assassin's Creed 2 qui sort demain avec Énergie. 612, débutez votre message par Énergie avec votre numéro de téléphone. Voilà, et comme je le disais, David Guetta maintenant avec Sexy Beach. On parlera tout à l'heure aussi des petits soucis techniques qu'il a eu notre ami David Guetta. On en parle après. David Guetta, Sexy Beach. Et on est de retour sur Énergie comme tous les soirs entre 21h et minuit. Vous lâchez donc vos messages au 612, débutez par Mickaël ou Énergie, et puis sur mickaël.fm comme d'hab. Et puis ce soir, on reçoit la légende des canulars téléphoniques, Jean-Yves Lafesse, qui est là ce soir pour son DVD La réouverture de la fesse. Hein. DVD qui, rappelons-le, est sorti le 3 novembre. Comment ça va, Jean-Yves? Alors, quand on me présente comme une légende, je suis obligé de prendre cette voie-là et de me dire, au moins, je suis encore vivant. C'est clair, ça va, merci. Non, mais ça va bien en pleine forme, le café est arrivé, tout va bien. Oui, c'est vrai, sur le coup, en général, le soir, comme ça, je prends toujours du café, ça m'empêche pas de dormir, moi. Alors, celui-là, par contre, on l'a pris à la station-service. Hein. Petite question, et je suis pas peu fier d'être, le premier à te la poser. Est-ce que la fesse est ton vrai nom de famille? Ah, mon Dieu. Tu viens, je t'assure. Alors, soit je suis premier, soit je suis 10 000e. Tu viens de gagner une voiture. Enfin. Parce que t'es le 2500e. Ça va, tu vois, je voyais ça plus loin. Alors, bien entendu, il faut que tu cliques à droite, là, tu vois, si tu veux. Pour savoir quel est ton lot exact. Voilà, donc. Voilà. Et puis tu vas renvoyer le lien de confirmation, puis tu vas recevoir 150 000 spams publicitaires. Non, parce qu'il y aura eu un bug entre temps. Non, il y aura peut-être eu un bug entre temps. Donc voilà, évidemment, question, bien entendu, qui ne sert à rien, puisque. Non, non, c'est pas mon vrai nom, c'est Popol. Voilà, Popol. C'est bien aussi. Et c'est bien aussi, hein. Bon, pardon. Qu'est-ce qu'il a sorti comme ça? Rien, bien. Répète pas, c'est à moi de dire des conneries comme ça. T'es sûr, t'aurais eu une prime si ça avait été drôle. J'arrive à la refaire si eux, mais. Non. T'es déjà arrivé en retard, tu vas pas. C'est clair. Bon, qu'est-ce qui t'a poussé à retourner 10 ans après sur le trottoir? Bah, mes chaussures. Ah oui, bah, c'est-à-dire mes chaussures. Ben bah, non, mais justement non, mais j'en avais marre. Elles m'ont dit Jean-Yves, mon petit Jean-Yves, parce que ma chaussure de gauche est très gentille, ma deuxième est amoureuse de moi. Alors la chaussure de droite. Alors elle me dit mon petit Jean-Yves, ça c'est toujours affectif, je me méfie. Elle commence à caresser mes pieds et tout ça. Enfin bref. Et, alors, visiblement, elles avaient envie de prendre l'air. Et il y a une différence entre aujourd'hui et il y a 10 ans pour les canulars dans la rue. Les gens sont plus cool, plus énervés, s'énervent plus vite. Comment ça se passe? Ils vont plus. Comment? Ouais, te reconnaissent plus ouais, aussi peut-être. Il y a ça. La notoriété, quand j'ai commencé il y a 25 ans, moi, oui, parce qu'il faut le dire. Ouais, faut le dire, ta gueule maintenant. D'où la légende. Voilà, d'où la légende. Voilà. Retourne. Il y a 25 ans, c'était formidable parce que personne ne me connaissait, donc je pouvais raconter n'importe quoi, évidemment, et m'adresser à qui que ce soit dans la rue, ça marchait, parce qu'il n'y avait pas de référence télé. Ouais. Donc, mais en 25 ans, il y a eu toutes les télés, quoi. Ça, le problème, moi, je suis un peu un mercenaire de la déconne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas la culture télé, je fais pas de télé, je suis dans la rue. Je suis un mec qui fait des conneries dans la rue au téléphone. Mais j'ai pas vraiment de culture télé. On ne voit jamais sur les plateaux, les trucs comme ça. Non, rarement. Juste, en fait, pour dire bonjour, ça va, et puis voilà, puis c'est pas... Bon, je peux faire ma connerie, là, ou je m'en vais, hein? En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, bon, c'est assez réducteur, la télé, parce que c'est toujours stressant, ils te foutent une pression pas possible, il faut toujours être à l'heure, comme des malades, et puis, attention, il y a toujours un chronomètre, il y a les machins, il y a les trucs. Moi, j'ai besoin de plus de temps, en fait. J'ai besoin d'être libre, toujours libre, entièrement libre, pour pouvoir voir ce que je vois, pour que les images apparaissent dans la rue, mes conneries, mes décalages un peu. Il faut vraiment que j'ai pas de chrono dans la tête et que j'ai pas de compte à rendre, en fait. Quoi, tu marches avec ton équipe, marches dans la rue, puis dès que tu vois une connerie... Ça peut durer 2 heures, comme 7. Voilà. Ah, ouais. Justement, combien de temps pour faire 1 heure de connerie? Oh là. Ouais. Ah, c'est aléatoire. Écoute, c'est simple, on se lève assez tôt le matin, quoi qu'on ait fait la nuit, et puis on attaque directement dans la rue à 8h, 8h15. Et ouais, ça. Donc déjà, tu fais chier tous les gens qui vont bosser. T'imagines le type qui n'est pas réveillé, qui va chercher sa baguette ou son croissant, il a le malheur de tomber sur moi. Quand j'y pense parfois, j'espère que je ne rendrai pas de compte. J'espère. On n'aimerait pas tomber sur toi, quoi. Ouais. C'est pour ça que je brise tous les carreaux, tout ce qui peut me porter mon reflet. Pour le coup, les tournages doivent être vachement plus longs parce qu'il y en a la moitié qui doivent te reconnaître. Ouais, mais plus de la moitié maintenant, malheureusement. C'est pas glorieux, d'ailleurs, je suis pas en train de me. Enfin, victime du succès, mais c'est bien aussi au final. Non, c'est dommage. Non, parce qu'en fait, je crois qu'être un des seuls mecs qui, justement, a fui la notoriété parce que ça m'empêchait de bosser. Oui, ouais, c'est vrai. C'est très sain, par contre, c'est très très sain. Et. Ça t'évite le showbiz, particulièrement. Oui, bah c'est pratique aussi, oui, au final. Alors, que je vais dire? Merde, j'ai oublié maintenant ma question. C'est con, dis donc. C'est dommage. C'est son drôle, avec son bonnet, là. Question de remplacement. Sur l'éléphant. De quoi? Non, pas du tout, pas du tout. Oui, donc depuis les 25 ans, toujours avec la même équipe ou pas? Ouais. Ouais. Pratiquement, ouais, parce que, ouais, 25 ans, ah bah, ouais, 25 ans, 23 ans, 17 ans, ouais, le plus jeune dans l'équipe, ça fait 17 ans qu'il travaille avec nous. Et t'es pas vénère quand tu galères à faire un canular, le truc il est super drôle, et puis le mec il dit, eh ben non, je vous signe pas l'autorisation. Ça nous arrive. Allez vous faire foutre. Exact. Ça, voilà. Bon, on peut pas être énervé et remonter, après tout, les gens sont libres et heureusement, enfin. Non mais tu sais, le mec vénère alors qu'il trouve peut-être ça drôle, il s'en fout de passer à la télé, mais juste parce qu'il s'est fait piéger, va te faire foutre. Ouais, ça arrive, bien sûr que ça arrive. Et c'est frustrant quand ce sont des bons gags, et le problème c'est qu'en général, ils sont les meilleurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Et de se voir, si tu veux, de voir qu'il s'est fait avoir comme ça, effectivement, dans cette dimension-là, d'un seul coup, ça le... Les gens, ils aiment pas. Je veux pas qu'on parle comme ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils s'énervent ou parce qu'ils disent des grossièretés, des conneries? Non, parce qu'ils sont dupes d'un truc qui n'existe pas. Ouais, voilà, c'est pour ça. Pour des cons. Oui, ils sont passés pour des cons, mais c'est le concept du truc. Vexés, voilà. C'est ça. Quand tu dis à quelqu'un devant l'entrée du magasin, là, il y a 3 secondes, il y avait quelqu'un, il a disparu, donc on ne sait pas si c'est un extraterrestre, un machin, etc. Et donc la personne attend sa réapparition. Moi, tu vois, au bout d'un moment. Mais vous inquiétez pas, il arrive. Et là, donc, j'ai ma complice qui est là, qui dit ouais, moi je l'ai vu aussi, monsieur. Elle attend qu'elle travaille avec moi, et elle m'appelle monsieur. Enfin bref. Et donc, la personne est là, mais vous pensez quoi? Attendez, c'est peut-être dangereux. Enfin, La FD ne signe pas. Oui, forcément. Est-ce que vous avez des, quand même des moyens de pression pour essayer de faire passer le gag quand même? Oui, un couteau, des flingues, l'argent. Ouais, l'argent. Ah ouais, carrément l'argent. Non, moi je pense. Non, moi j'ai ma conscience en fait depuis des années. Parfois, quand je vois des gangs un peu trash ou un peu. Enfin, c'est pas trash, c'est jamais trash, mais un peu parfois grossier, on va dire, un peu sur le cul, des trucs comme ça. Je me mets les deux mains devant les yeux, à regarder la télé et je bouge mes oreilles comme si ça allait empêcher mes enfants d'entendre ça. Bref. C'était quoi la question ? Les moyens de pression. Ah oui, l'imitation de Chirac, là. L'imitation de Chirac, mais de rien, t'avais pas. Alors, des moyens de pression. Non, voilà, ouais, ça fait. Je supporterai pas. Moi, j'ai ma conscience. Ouais. Voilà, j'ai ma conscience. On n'a jamais bidonné quoi que ce soit, ni en imposture téléphonique, ni en machin. Je sais que ça se fait parfois chez certains. Entre guillemets, collègues. Voilà, oui. Ça, c'est un truc qui est terrible. Non, jamais. Alors, ça, jamais. Non, mais ça, je sais que certains voient la fin, plutôt les moyens et tout le bazar. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est un métier fantastique. Faut pas cacher. Faut pas le massacrer comme ça. Faut pas le torpiller. Non, ça rejoint un peu les moyens de pression qu'il y a en télé. C'est ce que tu disais tout à l'heure aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils passent par des méthodes. Écoute, différentes. Ouais, voilà. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que moi, je pratique ça dans le théâtre et je pratique ça aussi dans ma vie. Moi, j'estime qu'on est tous connectés les uns aux autres. Malheureusement, les systèmes, il y a plein de brouillages qui font que ces connexions aujourd'hui disparaissent un peu, voire sont largement entamées. Et donc, on peut respecter ça pour aller faire le con avec quelqu'un dans la rue, comme ou être sérieux avec quelqu'un, ou déconner avec quelqu'un. Enfin bref, on est tous connectés. On fait partie d'un seul et même corps. Voilà, c'est ce que je pense, moi. Bon, donc... normalement, je peux blaguer avec quelqu'un. Mmh. Ça passe ou ça passe pas. Il veut passer ou il veut pas passer. Et puis, il y a aussi l'aspect incroyable dont je me suis méfié le plus, c'est cette idée qui est sortie Andy Warhol, comme quoi, au XXe siècle, tout le monde avait besoin d'un quart d'heure de notoriété et que donc tout le monde, en fait, voulait passer à la télé, quoi. Et ça, je m'en suis méfié parce que je me suis dit, mais il y a des moments où j'avais la sensation que le type faisait... Il jouait avec toi. Jouait avec moi. Il marchait pour marcher. Alors, heureusement, on a le banc de montage. Comme j'avais le doute quand même au montage, on regarde un peu les gens. Et puis, c'est vrai qu'il y en a qui ont. Il y en a qui le font et qui le faisaient exprès. Ouais, mais c'est des bons acteurs. Voilà, mais ils sont pas. Ouais, là. Ouais, c'est mon métier de travailler avec des comédiens. Si je veux, là, je me suis dit. Oh, il est pas si bon que ça, celui-là. Hein. Ça se grille un peu. Parce que tu tombes sur le roux, il va te gratter de l'oseille. Non. Ah, si, il va dire ok, je veux bien que ça passe à la télé, mais ça se négocie pécuniairement parlant. Un café. Je suis sûr qu'il y a des séquences aussi où tu demandes pas les autorisations. Je me souviens très particulièrement en Normandie, il y avait une meuf qui était en train, je sais pas, de prendre des trucs dans le sable, complètement trempé. Jean-Yves passe derrière, il fait voici le fameux trou normand. Je suis sûr que t'as pas été sur la plage du loin des l'autorisation. Écoute, tu sais ce qui s'est passé. C'est un truc de malade. On est allé tourner à Trouville. On descend de la voiture, le temps de déballer les matériels et tout. Puis je regarde une femme qui était dans la vase. C'était marée basse. Et dans un pantalon, un gros pantalon. Archimoulant rose. Oh. Et. Comble du truc, c'est que son pantalon était troué. Ça, tu ne dis pas. Et donc, je me dis de loin, et je dis au mec, attendez, Jean-Yves, t'as vu ça? Oui, j'ai vu, attends, laisse-moi. Puis, non, d'un seul coup, je vais associer ça avec Normandie. Et je fais, voilà, nous sommes heureux, la mairie de Deauville est heureuse de vous accueillir à Deauville, et de vous accueillir avec son fameux trou norme. Parce qu'elle était de dos, elle nous présentait ça comme ça. Et là, je me dis, on est dans la merde. Parce que pour avoir son autorisation, c'était la base. Tu vois, 200 mètres de vase. Alors, comment on fait? Alors, il a fallu qu'en fait, on fasse tout le tour en bagnole de l'autre côté et qu'on descende par les barreaux d'acier. Madame! L'autre qui répondait pas, évidemment, il y avait du bruit, il y avait le vent, il y avait tout ça, quoi. Madame! Oh! Et finalement, il a fallu qu'on attende Mariotte. Et là, c'est un sous-marin de la Marine nationale qui est arrivé, qui l'a chopé. Pécho, pardon, oui, je sais, bon, d'accord. Et donc, oui, non, parce que Pécho, ça va mieux avec la mer, quand même. Oui, bon, c'est voilà. Vrai. Et voilà, et qu'il nous a rattrapé dans nos filets. Est-ce que ça vous embête? On voit pas votre tête, mais on voit votre... poster. Votre trou normal, là, c'est qu'est-ce que vous allez mettre mon poster à la télévision? Bon, ça va, elle a accepté après sans chipoter ou... Ouais, on a fait signer son cul. Voilà, ouais. Écoute, c'est le principal. Hein. Mais pas facile de signer avec un stylo. Non, c'est dur, hein, c'est très dur. Bon, on va revenir dans quelques instants. Ne bougez pas de là, comme d'habitude, on est là aussi, 11-12. Débutez le message par énergie sur emmickaël.fm. Jean-Yves Lafesse qui est encore avec nous. On va écouter un petit extrait d'ailleurs. Je me bouche les oreilles. Desktop. Voilà, c'est ça. On fait ça dans un instant. Ne bougez pas de là, on revient. Bouge pas. Roux va soulever de la fonte pour se faire des pecs. Et Mickaël revient juste après ça. Et on est de retour sur Énergie comme tous les soirs entre 21h et minuit. Ça se passe sur amical.fm au niveau du site évidemment. Et puis aussi sur 12, hein, débutez votre message par NRJ. Bon, Jean-Yves Lafesse qui est toujours avec nous. Et à part les impostures dans la rue, tu t'es aussi fait connaître grâce à tes impostures téléphoniques évidemment. T'es un peu le maître en France. Hein, et puis. Oui, non mais c'est vrai. Non mais attends, mais qui y a d'autres qui fait les canulars dont on se souvient comme ça là maintenant? Francis Blanc, Jean-Yann, Pierre Péchin. Ouais, mais bon. Maintenant. Là, maintenant, encore aujourd'hui. Tu peux trouver. Gérald Daran. Chercher. Ouais, Gérald Daran. Qui est-ce qu'il y a d'autre? Il y avait Baffy à un moment. Non, mais on a dit. Ils sont pas tous morts. Moi, je retiens quand même la Marseillaise et l'équipe de France. C'est vrai. Ça fait 1 sur 1000. Ouais. Bon, on va se faire un de tes petits appels pour les plus jeunes qui connaissent peut-être pas forcément Jean-Yves Lafesse. On a choisi celui où Madame Ledoux appelle un détective parce que son mari a eu un accident. Ça te convient? J'en ai fait 3000. Il a eu un accident. Ah ouais. Voilà, bon, écoutons-le. Oui, très bien. Allô? Bonjour, monsieur. Madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Vous êtes détective? Oui. Ah, très bien. Bonjour, je suis Madame Ledoux, la femme de monsieur Robert Ledoux, de l'Académie française. Oui. Vous devez connaître mon mari. J'avoue que non, madame. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous appelle parce que mon mari est accusé d'avoir provoqué un accident de voiture le 3 février à 15h, à Angers. Mm-hmm. Or, le 3 février à 15h, mon mari ne pouvait pas être dans sa voiture, car il était aux putes. il était où, vous me disiez? Aux putes. Aux putes, c'est... j'ai trop de mémoire encore là. Ça se trouve. Comment ça se trouve? C'est où? Ah ben je ne sais pas, vous savez, c'est. Il m'a dit je pars aux putes. Il a emprunté 400 francs à mon fils et il lui a dit qu'il allait aux putes. Oui. Il est parti au pute et apparemment, ça doit être un endroit charmant parce qu'il y va tous les jours en ce moment. Oui. Vous connaissez, non? Non, mais enfin bon. Au pute. Bon, mais de toute façon, lui, qu'est-ce qu'il dit de cet accident? Il le nie ou quoi? Mais oui, parce que voyez-vous, le groupe d'assurance qui l'attaque prétend qu'il était dans sa voiture avec une dame. Mm-hmm. Alors comment voulez-vous qu'il soit avec une femme dans sa voiture alors qu'il est aux putes? Aux putes. Mm-hmm. Aux putes. J'ai confiance en mon mari. S'il me dit qu'il va aux putes, il va aux putes. Hein. Vous comprenez? Alors écoutez, monsieur, je vais être franche avec vous. Je vous propose d'aller aux putes avec mon mari. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Où tu vas? Voilà, donc c'était c'était un retour au son. Il a quel âge celui-là? Comme t'as dit que tu avais pas entendu depuis des années. Ça parle en francs encore, 400 francs. 12-13 ans. Ouais. C'était l'époque où les putes étaient pas chères. Ouais, je sais pas, je connais pas les prix aujourd'hui. Ah bah lui connaît, t'inquiète pas. Ça, il y a pas de soucis. En fait, ça m'a fait du bien parce que quand je le fais, le canular. Je peux pas me marier. Ouais. Bah c'est ça. Et c'est pas l'envie qui m'en manque hein, parfois. Donc c'est très difficile en fait de maîtriser son fou rire qui vient. Donc quand j'ai la chance d'entendre ça, après, c'est une énergie qui se libère de moi, le fou rire. Quoi. Ça me fait un bonheur fou. Merci. Hein. Bah avec plaisir. Ce qui est très drôle, c'est que le mec est à moitié gêné. Il a peur de comprendre. Ouais, voilà, il a peur de comprendre. En fait, c'est exactement ça. Il a peur de comprendre. Ou alors il cherche vraiment une ville. Expliquer à Mémé. Tiens, on a vu que t'allais beaucoup souvent et même très souvent tourner en Belgique. Il y a une raison. Ouais. C'est plus facile de se foutre de la gueule des Belges. Non, attention, parce qu'on est en majorité. Moitié. Ah bah alors ça tombe bien parce que justement, je vais vous dire ce que je pense des Belges. Moi, d'abord, je me fous pas de la gueule des gens. Moi, je me sens bien en Belgique. Ah, bah voilà. Tu vois où ? Je me sens bien à Bruxelles. Je me sens plus à l'aise dans Bruxelles, qui est une ville à taille humaine, avec des gens qui sont plus libres, plus détachés, plus rigolos, moins stressés qu'à Paris. D'abord, il y a moins de bagnoles dans le centre-ville. Il y a plein de rues piétonnières, il y a plein de places piétonnières. Et puis, il y a aussi, surtout, un esprit plus créatif, quoi. On leur doit beaucoup. Hein. C'est pas seulement en littérature, mais en architecture. Par exemple, l'architecture de Bruxelles, elle est géniale. Elle n'est pas disproportionnée. Il y a un air de folie. Il y, y a des tonnes de. Ouais. Moi, j'aime Bruxelles. Voilà, monsieur Roux, dans votre gueule. Il y a un air de bien. Folie. Ouais. Dans ta gueule. Non, mais c'est sûr qu'ils sont plus ouverts, les Belges, ouais, quand même. C'est sûr qu'à Paris, pour travailler, pour faire des gags et tout. Ouais, on sent ça, bien. Ça doit vraiment être génial. On se sent bien. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière. Voilà, il n'y a rien à dire. Une bonne réaction, il y a un truc. Ils sont pas fermés. Non. Bon, et donc 2009, l'année du retour de la fête. Donc c'était t'as rempilé sur Rire et Chanson hein, pour les nouveaux canulars. Ouais. Voilà. D'ailleurs, vous entendrez, il le fait à ma place. Ouais, c'est ça. Voilà, faut le savoir. Exact. Exactement, ouais. Exact. J'ai pas laissé trop de poils. Non, ça va. Non, ça va. Y a pas de souci. Ouais. Laissé pas mal de bottins, par contre. Hein. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est pour vous. Hein. C'est vrai, tout ce qu'il y a comme bottins. Ah bah écoute. Ils sont là, hein, je m'en parle. Pas, vrai, non, c'est bottins. Oui, je te vois venir. Voilà, c'est ça. Non, en fait, c'est mon instrument de travail. Ouais, c'est mon manuel de. C'est mon outil de travail, le bottin téléphonique. Bon, et alors, on rappelle aussi, d'ailleurs, évidemment, que la réouverture de la fête donc, est sortie depuis le 3 novembre, que vous pouvez, bien sûr, lâcher. On peut en filer quelques-uns ou comment ça se passe? Ah oui, bien sûr. Combien? Ah, je sais pas. Ah, combien on peut en offrir? Allez. Oula, oui, ça fait toujours mal, je sais, oui. Ah oh, ben, on va en offrir, hein, mais je sais pas comment tu fais. Combien j'en veux? Ah, t'es sûr? T'es sûr de vouloir savoir? Allez, 200. Écoute, voilà, justement, c'est ça, c'est Noël, l'esprit de Noël. Ça va faire mal à la enfin, fesse, là. Pas tout de suite, mais. Non, il faut en offrir, bien sûr. Combien ? Bah, parfait. Non, mais il faut maintenant. Canal, c'est ils ont les moyens. C'est ça, c'est la règle, hein, même les albums, tout ça, on sait, on gère à l'antenne, hein, évidemment. Donc, transparent. Attends, il faut juste qu'on passe un coup de fil. Voilà, c'est ça, passons un coup de fil. En attendant. C'est pas moi. Alors là, Oui, mais je sais bien. Moi, si tu veux venir au cul du camion, tu veux. Enfin, sauf toi. Sauf toi. Parce que la vie privée, la vie sexuelle des objets m'intéresse. C'est trop dangereux avec un jeune camion du tout neuf. Et une tradition dans l'émission pour ceux qui viennent en tant qu'invités, peuvent choisir un morceau, n'importe lequel, pourvu que je l'ai ou que je le trouve sur iTunes, évidemment. Pourvu que ça dure. Ah, non. C'est vrai. Donc, est-ce qu'il y a un son que tu as envie d'écouter en particulier Ouais. Alors, moi, j'aime la musique. J'ai des milliers d'albums à la maison, vinyles et CD, etc. J'aime toutes les formes de musique, mais les maîtres d'abord. Ouais. Les maîtres. Alors, en jazz, en musique classique, en punk, en trip-hop, tout ce que tu veux, en rap, en machin, tout ce que tu peux imaginer. D'accord. Mais les maîtres. Ouais. En rap, moi, j'aime les petites ballantes, par exemple, tout ça, c'est ce que j'aime. Et puis, parfois, je me prends une claque dans la tronche. Je m'en suis pris pas mal quand même dans ma vie. J'ai vu des concerts des Sex Pistols et d'autres et tout. Mais j'ai vu sur Canal l'autre jour, dans le grand journal, Robbie Williams chanter Morning Sun. D'accord. Live. Ok. Et c'est magique, quoi. Moi, ce mec, je l'aime parce que je le trouve vraiment nature. C'est un bon mec. Très bien, parfait. Apparemment, on a réussi à négocier combien alors de 5 ans. Bah voilà. Bravo. Ce petit coup de fil aura été très intéressant. Très bénéfique. Très très bénéfique. On va pouvoir s'en prendre aussi alors. Bon, la réouverture de la fesse, donc c'est en DVD. On va vous enfiler maintenant. Donc 6-11-12, débutez le message. DVD, bien sûr. Oui, alors, il y a un truc qu'on a parlé du making-of. Non, on n'a pas parlé, mais effectivement, il y a un making-of dedans. Voilà, c'est la première fois. Ouais. Moi, je ne voulais pas avant qu'on voit comment je travaillais. Je ne voulais pas avant qu'on voit comment on vivait dans les hôtels et tout. Parce qu'on est des déconneurs. Il faut dire un truc aussi, on ne l'a pas dit, c'est qu'on ne fait que déconner. On ne fait pas ça que de notre métier. Et on est ensemble et tout ça. Et donc, je vais vous demander, et ça, c'est solennellement, à tous et toutes qui nous écoutez, là, de ne pas regarder le making. Ah bon, je vous demande et je vous assure. T'en es pas content, alors? Si, si. Il en a honte. Ah, t'en as honte. Donc on va forcément regarder, alors. Non. T'es une fan, toi. Il y a certains hôtels qui ont rappelé, hein, parce que du coup, ils ont vu ce qui s'est passé. Voilà, c'est ça, ouais. Toi, t'es vraiment hôtel. C'est dingue, hein. Et certains hôtels, c'est sous-entendu hôtel de passe. Bien sûr. C'est toi qui as fait le raccourci, moi, je n'ai rien dit. Bon, en fait, en gros, c'est un toi peu toi le... qui connais les raccourcis pour y aller. Le making of, c'est un peu la webcam de la radio, quoi. En gros, tu vois un petit peu ce qui se passe derrière, quoi. Ouais. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, faut regarder après. Mais voilà, mon problème, c'est que j'avais donné carte blanche au gars qui l'a fait. C'est-à-dire, je lui ai dit, tu fais ce que tu veux, mais je veux rien voir. D'accord. T'aurais dû regarder. Ouais, t'aurais peut-être dû regarder. Bon, la fesse, donc en DVD, on file le DVD, donc 612, débutez le message par énergie, et puis vous mettez la fesse avec vos coordonnées complètes, on en a 50 à vous filer. Jean-Yves, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie, vous êtes une bande super sympa. Belge et français. Exactement. Belge et français, et puis bon, je vais répéter donc ce qu'on lui a déjà dû lui dire, mais bon, tu sais très bien que... Allez voir les putes ou conduire. Ouais, j'ai arrêté de me faire sucer au volant. Du montage. Bon, merci Jean-Yves. C'est bonne continuation. Bonne chance pour la fête. Merci beaucoup. Et je suis très heureux d'être avec vous. Sur Rire et Chanson. Ah, c'était super. Parfait. Merci. C'est gentil. Tu reviens quand tu veux. Et puis on revient dans. Bah, je vais rester, ça vous dérange. Tu veux, il n'y a pas de problème. Il reste encore un peu de café. Pedro peut aller en rechercher. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bon, mais on revient. On revient dans quelques instants. 612 débuté par énergie pour encore choper les DVD, la réouverture de la fesse. 612 débuté par énergie. Puis vous mettez la fesse et vos coordonnées complètes. Et on revient dans 3 minutes. Si Dr House devait écouter une seule émission de radio, j'aimerais que vous ayez de la Vicodine avec vous en. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de malades. Je veux mes pilules. Non. Mickaël. Mickaël. 21h minuit. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Voilà, et puis les DVD donc de la fesse encore à choper. Hein, si vous voulez, 612, débutez votre message par énergie, puis vous mettez la fesse avec votre prénom et enfin vos coordonnées complètes. Ce sera encore plus simple comme ça. On fera un petit tirage au sort et puis on vous enverra ça sans problème. En tout cas, vous aimez bien la fesse, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui disent oui, oh, il est vieux. Bah, il est peut-être vieux, mais drôle. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, ça c'est sûr. Alors Sandro, on a repris l'émission, elle a même pas encore mis son casque. La preuve, elle le met là. Arrête. Ah, oh, Sandro. N'importe quoi. Putain, du Larsen en plus, c'est très désagréable. Ouais, ça nous a tué les oreilles là. Ah ouais, putain, moi je suis sourd aussi en plus. Ah. Bon, oula, ça fait du bruit. Allô, Sama. On peut pas y aller. Allô. Oui, Sama, bonjour, comment ça va? T'es où, Sama? Ça va. Bon. Je suis dans le 14. T'es dans le 14e à Paris, donc, c'est ça? Oui, exact. Calvados. Ouais, t'appelles pour le jeu Corby? Oui, exact. Pour choper. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour choper. Le Samsung Corby, effectivement. Alors, Sama, le concept du jeu est très facile, donc il suffit que tu cries dans un endroit où il y a du monde, visiblement, c'est bon? Oui, c'est parfait, là. Corby, grave du monde. Très très fort, on t'écoute, Sama. D'accord, allez. Corby! Oh, plus fort. Ouais, c'est Corby rien. Plus fort. Ils t'entendent même pas là. Non, plus fort. Vous l'entendez pas là, Corby? Non, on entend rien là. Ouais, bah moi aussi je peux le faire, Corby, tu vois, tu parles là. Ouais, je te fais pas. Corby! Tu fais ça. Oh, c'est bon, bon, ça va. Bon. Avec le gros fait, ça va. Qu'est-ce qu'il dit, le gars? Non, il m'a dit de crier moins fort. Oh, ça va. Eh, recrie encore un coup. Allez, Corby. Elle va se faire virer du bar. C'est bon. Bon, ça va, on va te filer. Oh, ça hurle. On va te filer. En même temps, ça commence à un nouveau téléphone. Je bouge un peu. Je bouge un peu. Non, c'est bon. Là, si elle veut. On va te filer le Samsung Corby. Et surtout, ouais, reste dans un endroit où il y a plein de bruit pour que Micha prenne tes coordonnées. D'accord. Je peux passer une petite dédicace ou pas? Vas-y. Alors, je voudrais passer une dédicace à mon chéri, à Joe la Bavure, à Samaïr, à Amel et à tout le 94 et au foyer Zido dans le 14. Ça marche. Et gros aussi. Bon, salut à toi, gros bisous. Salut, gros bisous, ciao. Ciao, bye bye. Joe la Bavure, qui on le rappelle est commissaire dans le 14e. Bien sûr. Bon, et puis hier soir pour le jeu Corby, ça avait donné ça avec la malheureuse là qui sonne chez un voisin. Un drame. La pauvre. Sinon, il y a bien des maisons où tu peux aller sonner. Sonne et quand quelqu'un vient te répondre, tu cries Corby dans sa tronche. Ouais, ça c'est parfait. Mais aussi fort que tu l'as fait au début. Hein. Ah oui, pas juste. Bonjour Corby. Okay. Voilà, donc vas-y. Oh là là, elle va se prendre une droite. C'est le nom. Eh, hey, partons en courant après. Ouais, grave. Il tombe pas. Oui. Corby. Quelle connasse. Oh, la petite connasse. Oh, les gens sont d'une aigreur. Ouais, c'est dingue quand même. Ça va, il y a quelqu'un qui vient me dire bonjour. Sois content, quelqu'un vient sonner à ta porte. Il dit Corby. Hein, c'est tellement rare. T'aurais réagi comment, toi? J'aurais dit ouais, on partage, tu vois. Téléphone. Ah, ouais, c'est un qui prend la coque, un qui prend le téléphone. Hein. T'as pas trop le choix. C'est vrai. Bah, j'aurais pris le téléphone. Ouais, tant qu'à faire, c'est mieux. Tu peux racheter la coque. Et j'aurais laissé la coque. Bon, on va encore en faire gagner des Samsung Corby là sur energie.fr si vous voulez. Il y en a encore deux qui doivent tomber avant la fin de l'émission. Donc allez-y pour les inscriptions energie.fr. Et tiens, en parlant de téléphone, il y a un habitant du Pas-de-Calais qui a découvert un mobile dans son sachet de laitue. C'était acheté à l'Intermarché. Donc c'est bien. Le mec, il a eu sa laitue, son portable pour 1,79€. Ouais, c'est ça qui est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, le mec, il est dans le rayon, il prend le sachet de salade. Et donc, le mec, il sent que c'est trop lourd, tu sais. Donc, il se coud un peu, il voit le téléphone. Et donc, au lieu d'aller tout de suite dire, bon, bah. Non, voilà, non. Non, le mec, il prend le truc. Et en fait, il va directement au journal. Je crois que c'est La Voix du Nord ou un truc comme ça. Évidemment. Et il va directement avec le truc faire des photos avec les journalistes pour montrer le truc. Évidemment, mais c'est clair. C'est clair. Mais il faut voir après ce que c'était comme portable. Oui, alors justement, donc c'était malheureusement un téléphone de société qui ne marche que dans la boîte, apparemment. Ah, je sais pas quoi, là. Ouais. Et donc, du coup, la société s'est excusée, elle a offert un bouquet de fleurs à madame. Super. Oh, un bouquet de fleurs. C'est déjà ça. C'est non, déjà mais ça. Franchement, c'est nul quoi. Un bouquet de laitue. C'est ça, ils auraient quand même pu faire salade à volonté pendant un an. Quoi. Salade à vie. Salade à vie, oui. Bah, Sandro serait contente, hein, salade à vie. Mmh, non, bah, ouais, mangerait plus. Le roux les revendrait. Ah bah, il irait sur les marchés tous les dimanches. Le maraîcher. Ah ouais. Après le camelot. Je te vois bien faire le camelot. Oui, oui. Bah, pour un euro. Elle est belle, elle est belle. Ah, bon, et puisqu'on est dans les téléphones, il y a Angie dans Secret Story. Vous vous souvenez peut-être encore ? Oui, oui. Oui. Oh, ça va, ça fait un petit temps maintenant. Hein. Qui cachait visiblement un portable dans. Non, sais donc. Son cul. Sa culotte. Non, de l'autre côté. Ah, pardon, non, sa chatte. Ouais, ah, carrément. Voilà, c'est ça, ouais, exactement. C'est dans le livre Secret Story 3, il y a Elfassi qui raconte que lui et Angie étaient de mèche au départ. Oui, il devait faire d'elle une star, apparemment, au début. Voilà, c'est pour qu'ils puissent rester en contact pendant qu'elle était dans la maison des secrets. Ils ont décidé de planquer un portable. Dans sa chatte, quoi. En fait. Ouais, c'est pas mal. Pas qu'elle se fasse griller, quoi. C'est exactement. Mais apparemment, c'est un truc de fou. Elle a réussi à planquer un vélo, un frigo, une voiture, un Romain. Ça va, il y a de la place. Ouais. Voilà, non, apparemment, elle l'a pas fait finalement, je crois. Au dernier moment, elle s'est dégonflée, je crois. Et ouais, et ils avaient fait des tests dans un palais de justice pour voir si ça passait, tu sais, au détecteur là de béton. Ah fort. Apparemment, ça passait et tout quoi. Ah ouais. Ouais ouais. Tain, c'est donc fort. Lui, en fait, il a pu écouter quelques conversations qu'elle a eues avec la son. Prod et enfin, tout dans le bureau. Ça... Ouais, si tu imagines ouais. Le son. Ouais, par contre, non, mais je tiens à vous rassurer, ça ne capte pas. Bah si, pourquoi ça capte pas. Ça capte pas. Alors, c'est pas là, possible, t'as jamais un téléphone dans la chaîne de ta meuf. Hey, oui, ça ne capte un pas. Téléphone. Ça ne capte pas parce que je voulais essayer de le faire vibrer, ça ne capte pas. Attends, on te le met dans le cul. Ça ne capte pas. On essaye. Ça ne capte donc, ça pas. Veut dire qu'il a pas pu écouter des conversations, sauf si c'était juste dans la culotte. Mais ça, attends, c'est de la sortie. Attends, c'est à dire que les ondes téléphone, elles passent à travers des murs et tout le bordel, et là ça passe pas. Pas le béton, je sais pas le ciment quoi. Ça capte pas à l'intérieur de la chatte, je te le dis, tu peux essayer. Ça bah si, pas. Viens, on le fait dans ton cul. Mais non, t'as Sandro. Ah, t'as Sandro. Non, parce que t'as Sandro qui a une vraie chatte, on met dans la sienne. Je suis encore vierge, les gars, donc c'est pas possible. T'as qu'à essayer dans ta bouche. Et par contre, je mets pas un iPhone dans mon cul. Mais qui a parlé d'iPhone? On a les vieux gros Motorola. 5110. 3110, si tu veux, j'ai encore. C'était un 3110. Oui, le oui, B415. Ah, ça, il y avait deux références. Ça, bah, le premier Nokia que tout le monde a ouais, eu. Voilà, le gros avec l'antenne télescopique, tout le monde. 5110, ouais. Ouais, c'est bon. 5110. Non, mais attends, mais je n'arrive pas à concevoir que ça passe à travers les murs, mais pas à travers ça. Bah écoute, j'ai essayé, ça marche pas, ça sonne pas. T'as mis quoi? De quoi j'ai mis quoi? C'est horrible. Téléphone. T'as mis c'était un Samsung. Mais Tof, si tu te fais chier le week-end, il y a des eaux qui. C'était les problèmes. Ah oui, en voie de disparition à Paris justement, et il faut y aller pour qu'ils puissent. Il a un problème. Continuer à entretenir les eaux. Et il est content. Oui, je voulais le faire sonner. Alors, attends. Dis-nous, explique-nous comment t'as fait tout ça. Bah, donc tu sais, c'était les petits Samsung à clapet. Donc tu sais, c'était plutôt fin, bien profilé. Ça ressemblait un peu à une bite. C'est les Ericsson plutôt, non? Ouais, si tu veux. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc ça s'insérait tout seul. Mais d'où c'est parti, enfin comment? Mais il a un problème psychologique, ça part de là. Elle a un problème psychologique. Non mais lui aussi, lui façon, aussi. Pour sortir avec toi, faut avoir un problème déjà à la base. Qui c'est la meuf? Je connais? Non, je pense pas. Ah, oui, c'est pas, c'est pas. Sur 1000. Attends, il va regarder. Attends. Non, c'est pas là, c'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Mais même lui, il se rappelle même pas du nom, ça. Ouais, c'est possible. Oh là, c'est incroyable. Bon, il y a Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie, est-ce que rassure, t'as jamais essayé? Non, bien sûr que non. Ouais, enfin, non, tu jamais. Tu peux nous le dire. Hein. Oui, un fixe, un téléphone à cadran. Voilà. C'est avec le rond là. Bon. Et là, il y a Mémé qui appelle, tu sais. Ouais. Et déjà rien que le combiné, juste le combiné, si tu veux, c'est déjà violent. Hein. Bon, Anne-Sophie, 21 ans, t'appelles du 92, Asnières-sur-Seine, oui, et tu nous appelais pour l'extrait de musique qu'on avait mis en début d'émission, hein, pour savoir qui est-ce qui chantait le drame qu'on écoutait là. Écoutons encore un coup, quand même. Yeah. Voilà. Bon, Anne-Sophie, qui est-ce qui chante ça? C'est Tegan de la Nouvelle Star numéro 5. Ouais, ouais. Enfin, l'ancienne star en l'occurrence. Hein. Ouais. Mais bon. Eh ben oui, c'est gagné. Grâce à ça, tu repars avec la PS3 et avec, bien entendu, le jeu qu'on file toute la semaine en exclu, bien sûr, Assassin's Creed 2. merci à vous. C'est dommage parce qu'on avait un bel indice pour les gens qui, au cas où, ne trouvaient pas. Oh, j'ai très peur de l'indice du roux. Et c'est quoi ton indice? Bah, vous saviez pas? Non. Des Ziganes. Ah ouais, putain, bah. Ouais. Heureusement qu'on l'a fait sans l'indice parce que ça peut t'induire en erreur. C'est vrai. Ah non, bon, c'est facile. Anne-Sophie, je te fais des gros bisous et bravo à toi, c'est gagné. Merci. Est-ce que je peux passer une dédicace, s'il te plaît? Vas-y, ouais. Je vais faire un gros coucou à tous les membres de X and Coldplay. Donc voilà. D'accord, bah, le message est passé. Merci, X and Coldplay. C'est un forum de fans de Coldplay. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah écoute, très bien. Je te fais des bisous, Anne-Sou, à bientôt. Moi aussi, bisous. Je t'embrasse, ciao, bye bye. On ira faire un tour du côté du mag aussi tout à l'heure. On parlera encore de Twilight puisqu'on mettra la BO. Ah, oh, t'es relou. Assume ta vanne. Non, j'assume pas ma vanne, j'ai fait exprès de pas la faire. Quelle vanne? T'es vraiment un con. Quoi? Non, t'as, parce que t'as dit on ira faire un tour du côté, donc j'avais fini le... Ah, chez Swan. Ouais, Swan, voilà. Oh, pauvre con, va Nostalgie. Ben non, mais justement, j'ai fait exprès de pas la faire. Va là-bas. Ah, c'est lui le vendu. Voilà, tu vas à Nostalgie, tu prends l'antenne, tu fais ta vanne et tu reviens. Peut-être que ça fera rire là-bas, mais ici non. Donc, on passera aussi d'ailleurs la BO de Twilight, le groupe roux. Death Cab for a Cutie. For a Cutie. For Cutie. Voilà, c'est bien. C'est bien, hein. C'est pas mal. Ah, oui, prochain, c'est Sandro. Bon, oula, attends, je vais le noter. Il y a Anthony qui est là maintenant. Salut Anthony. Salut Mika, salut Sandro, salut Roux, salut, salut tout le monde. Salut. Bah, ça va très bien, vous? Ça va, tranquille, ouais. Bon, Anthony, on va faire un petit GAV dans un instant. Ok. Alors, on va appeler qui? Eh ben, on va appeler Rolly. D'accord, très bien. Et c'est on va lui raconter quoi? Bah, on va lui parler comme quoi j'y ai fait des vols de portable avec un pote. Super marché. Et puis, bon, bah, voilà, qu'elle serait dans le coup, quoi. D'accord, ok, très bien. Et donc, c'est qui elle par rapport à toi? Bah, c'est une copine. Ok, d'accord, c'est pas ta copine. Ouais. Mais elle s'en fout techniquement que tu sois en garde à vue. Ouais, sauf s'il est en train de dire que c'est elle qui a tout organisé. Ouais, c'est elle la complice. Ah, on va faire ça dans un petit instant, c'est parfait. Ok, ça roule. Anthony, ne bouge pas, on envoie la pub, on l'appelle juste après ça, d'accord? Ça marche. Allez, reste là, on s'enverra également un petit peu de son avec Cascada qui arrive, Evacuate the Dance Floor. Bouge pas, bouge pas. Sandro part terminer son brownie chocolat banane. Et Michael revient juste après ça. C'était le son de Cascada, Evacuate the Dance Floor sur Énergie. Et Sandro, sans regarder la feuille, qu'est-ce qu'on va mettre comme son la BO de Twilight? Sans regarder la feuille. Death Cab and the Cutie. Non. Non. Quoi? Death Cab for Cutie. Ouais, c'est pareil. Ah bah non, bah non. Ah non, parce que là, ça veut dire de la chanson, un taxi et une femme. Moi, je suis d'accord. Hein, ouais, taxi et une femme. Non, sans regarder le titre de la chanson. Ah non, elle peut regarder. Tu peux regarder? Ouais, elle va dire. Ah ouais, ouais. Bon alors, déjà il faut qu'elle regarde où ça se trouve. Mais j'allais le dire. Ouais, non, je vous jure, sur la vie de ma mère. Bon, j'allais dire la BO, bah la BO de Twilight. Non, le titre. C'est Twilight. Non, non. Si? Non. Twilight. Non. Twilight. Non. Twilight. Twilight. Non. New Moon. Meet me on the equinox. Ah non. Ah bah il y a pas écrit ça sur la feuille. Ah oui, mais c'est après, c'est autre chose. Ah, mais ça, voilà. Rentrez pas dans la case. Voilà, c'est pour ça on a mis Twilight. D'accord. C'est plus facile. Bon, on va reparler de Twilight aussi tout à l'heure et puis on va faire le GAV maintenant avec Anthony, 21 ans. On appelle donc une copine. Non merde, je sais plus. Une copine ou ta copine? Une copine. Oui. C'est une copine, hein, c'est pas ta meuf. Non, c'est une copine. D'accord, ok. Bon, on l'appelle, tu lui dis que tu t'es fait serrer parce que t'étais en train de revendre des téléphones volés. Tu lui demandes de venir te chercher, blablabla. Bla, bla, et puis après, bon, bah évidemment, tu vas balancer comme quoi c'est elle qui. C'est le chef. C'est elle qui te fournit, quoi. Ok, ça marche. Ok, allez, on y va, c'est parti. T'es censé être à quel commissariat? Commissariat de Meaux. Commissariat de Meaux. Ok, d'accord. Allez, on y va, c'est parti. Okay. Sandro, arrête de faire chier les camarades. Pourquoi? Je sais pas, t'es en train de chiffrer toutes les feuilles roux. Pourquoi tu fais ça? Eh, roux, roux. Il m'a tapé. Elle te fout la merde. Allô? Oui, Aurélie? Oui. Ouais, c'est Anthony. Oui. Ouais, Dior, voilà, j'ai un gros souci. C'est que, voilà, j'ai des portables et je voudrais que tu t'en occupes. De quoi? En fait, j'ai des portables et je voudrais que tu t'en occupes. Y aurait moyen ou pas? Que je m'en occupe, comment ça? Bah si tu pouvais les revendre, parce que tu vois, j'ai un pote, il m'a dit ouais, essaye de les revendre, et tu vois, moi je peux pas les revendre. Alors si tu pouvais. Si tu pouvais les revendre, ça serait pas plus mal. Non mais dis donc, vous foutez de moi ou quoi là? Je croyais que vous aviez l'occasion de téléphoner pour qu'on vienne vous chercher pour faire du trafic. Monsieur, je suis avec ma copine. Bon, avec qui vous êtes au téléphone, votre copine? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Bah rien en fait. Bon, demandez-lui de venir vous chercher plus vite. Donc voilà, en fait, je suis en garde à vue, donc si tu pouvais venir me chercher, s'il te plaît. Ah non, je peux pas, là. Il n'y a pas de transport, de toute façon, je peux même pas bouger de chez moi. Ah, ouais, mais moi, comment je vais faire, moi? Mais t'as des parents? Hein? Moi, mes parents, ils sont à plus de 3... Ils sont? Ils sont à plus de 300 km. Ah oui, mais moi, je peux pas bouger de chez moi. Déjà, aujourd'hui, j'ai galéré pour prendre les transports. Il n'y a plus de transport à cette heure-là, hein, avec les grèves. Tu rigoles? Jeune homme, passez-moi votre ami, votre copine ou que sais-je. Oui, je vais vous laisser avec mon collègue là, qui doit vous poser quelques petites questions. Je vous la passe. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir, madame, mademoiselle. Oui, mademoiselle. Très bien. Bon, je vous appelle par rapport à votre copain là, qui est donc avec nous là. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Non, pas du tout, non. Bon, en fait, il était en train de revendre des téléphones portables sur la voie publique et bien évidemment, il n'avait ni facture ni quoi que ce soit, donc forcément, ce sont des appareils volés, hein. Bien sûr, j'ai bien compris, ça, vous inquiétez pas. Ah. Très bien. Bon, est-ce que vous pourriez éventuellement... Vous êtes majeur? Oui. Bon, est-ce que vous pourriez venir le chercher? Le problème, c'est que je n'habite... Bah, parce que là, vous êtes où, là, exactement? Là, on est au commissariat de Meaux. De Meaux, voilà, oui. Moi, j'habite le 91. Très bien. Donc c'est pas à côté, je n'ai pas de moyen de transport, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de permis, je n'ai rien. Et quoi, vous connaissez pas le taxi? Oui, mais c'est pas donné, sachant que je suis sans emploi. Ah oui, mais enfin écoutez, vous voulez pas qu'on vienne vous chercher aussi? Ah non, mais bon, écoutez... chef, si elle est bonne, moi je vais la chercher. Restez calme, décrochez le téléphone, vous. T'as déjà eu du problème. Excusez-moi. Bon, donc vous pouvez pas venir le chercher ce soir? Non, je suis désolée, mais il devrait avoir d'autres amis, non? Oui, non, bah écoutez, nous après, il a droit à un appel, il nous a donné votre numéro de téléphone, on l'a composé. Hein. Bon, attendez. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Michel? Oh, attends, que moi je vais la chercher s'il faut. Hein. Non, mais non, attendez. Non, attends, apparemment, il n'est pas tout seul dans l'affaire. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Excusez-moi deux petites secondes, mademoiselle. Ah, je suis en train de discuter avec le monsieur, et apparemment, madame sera impliquée. Hein. C'est-à-dire allô que peut-être qu'elle sera la receleuse. Oui. Apparemment, votre copain a dit que vous seriez dans le coup, là. Comme quoi, c'est oui, vous qui donneriez les appareils. Là, vous faites une bonne blague, là. C'est pas possible que vous soyez un commissariat, quoi. Bah écoutez, croyez ce que vous voulez, mais quand on va venir vous chercher, vous allez directement voir qu'on est vraiment le commissariat. Hein. Bon, est-ce que c'est vrai, cette histoire, apparemment? J'ai peur qu'il dise ça pour s'en sortir. Je pense aussi, parce que moi, je n'ai rien à voir avec lui. Je le connais depuis très peu. Mon téléphone, je pensais pas qu'il allait s'en servir. Dès que ça mêle les gens, on les connaît. Non, mais attendez. C'est-à-dire que, mettez-vous à notre place. Il est là, arrêté. Il était en train de vendre des téléphones portables volés. Mm-hmm. Il nous dit que c'est vous qui le fournissez. Bon. Est-ce que vous avez une preuve de. Que vous êtes innocente, en fait, tout simplement? Là, bon, écoutez, alors attendez. Bon, écoutez, mademoiselle, je crois qu'on a autre chose à faire à 22h58 de faire des blagues au téléphone pour savoir qui a volé un téléphone portable. On l'a juste pris sur le fait. On sait que lui est coupable. On ne sait pas si vous l'êtes, tout simplement. Donc, on est en train de se renseigner. Effectivement, rassurez-vous, si jamais vous avez quelque chose à faire dans l'histoire, vous n'aurez pas de problème. Vous ne devrez pas réfléchir à savoir comment vous allez venir jusqu'au commissariat. On vous enverra une voiture directement, tout frais payé. Rassurez-vous. Non, restez là. Bon, jeune homme, je vous repasse votre copine deux petites secondes. Là, visiblement, il y a quelque chose qui n'est pas très, très clair dans votre histoire, hein, je vous la repasse. Ok. Oui. Tu sais, j'aime pas trop ça comme blague, alors tu dis à tes potes d'arrêter parce que ça commence à me saouler là. Bah attends, c'est pas les potes, je suis bien au commissariat. Hein. Attends, je suis même en garde à vue. C'est quoi l'adresse du commissariat? Je suis à Meaux. Oui, l'adresse du commissariat? L'adresse du commissariat, j'en sais rien, tu sais. Moi, je suis à Meaux, ils m'ont mis à Meaux. Je connais pas Meaux, moi. Attends, tu crois que ça y est, je suis en garde à vue, je dois connaître l'adresse de tout le bled. Je suis pas comme ça, moi. Bon, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut connaître l'adresse de Meaux. 46 Place de l'Europe, pourquoi? Est-ce qu'elle veut venir maintenant? Bah, je sais pas, a priori, oui. Hein. Bon, bah, très bien, bah, écoutez, y'a pas de problème. 46 Place de l'Europe. Attends. Bon, qu'est-ce qui se passe encore? Elle va faire quoi là maintenant? Elle fait la malie, elle va aller vérifier sur Google qu'il y a bien un commissariat là parce qu'elle nous croit pas. On a assez de. Hein, on a pas de temps à perdre avec des conneries comme ça, nous. Hein. Au bout d'un moment. Hein. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Pas mieux ça. Allô? Oui. Bon, qu'est-ce que vous faites là? On va pas y passer la nuit au téléphone, hein? Mm-hmm. Ah, mais c'est sur Alice, elle me fait. Non, mais vous savez à qui vous parlez? Non, justement, chef, j'en ai rien à savoir. Faire, hein. C'est incroyable ça. Vous êtes en train de mettre ma parole en doute? Vous vérifiez l'adresse? Allô? Bien sûr, ben oui, je vérifie. Mais c'est incroyable, c'est la vous savez que c'est la première fois de toute ma carrière. Hein. Bah, 7700, hein, le code postal. Ça va plus vite. C'est exceptionnel. Alors ça, par contre, ça va rester dans les annales. N'est-ce pas, les gars? Oh, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, dans l'annale. Bon, vous avez vérifié, Colombo? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est bon, ça correspond? Non, mauvaise adresse. Ah bah oui, mais enfin, vous avez regardé sur le mauvais site. Oui, bah bien sûr, comme de par hasard. Bah oui, écoutez, moi c'est ce que je vois. Hein. Vous me prenez pour une fiche en plus. Oui, un peu. En plus de faire des blagues au téléphone, si je peux me permettre, ouais, ouais. 46, Place de l'Europe, 7700 mots. Pas se foutre de l'autre gueule non plus, attendez. Non mais attends, elle fait la maline. J'ai aussi Google, hein. Moi aussi, je vois bien qu'on est là. Bon, chef, je vais la chercher ou pas? Bon, vas-y, va la baiser, là, putain. Wow, y a moyen de se renseigner un peu sur la carrosserie ou pas? Eh, hey, Aurélie. Oui. T'es de mauvaise foi. Pourquoi? Parce que l'adresse, c'est 46 Place de l'Europe. Mmh. Arrête de faire ton hérotin, là. Mmh. Mmh. Donc, c'est 46 Place de l'Europe. Donc, déjà, si vraiment tu étais flic, tu m'appelleras pas pour mon prénom. Bon, bon, Josiane. C'est 46 Place de l'Europe. Ça m'énerve, ça, parce que j'ai la bonne adresse. Oui, mais bon, c'est moi. J'ai la bonne adresse. En même temps, tu lui aurais dit 36 boulevard Jean Jaurès, elle t'aurait dit pareil. Hein. Oui, mais là, c'était la fausse adresse. Alors là, c'est la bonne adresse. Ah, mais voilà. Il y avait Victor Hugo aussi qui marche bien. Une fois que c'est toi qui te fais avoir et pas eux. Mais je me fais pas avoir, c'est la bonne adresse. Oui, ça oui, mais enfin, du truc global. C'est la bonne adresse. Oui, d'accord, Mickaël. Merci, Roux. Ah, mais c'est vrai, elle est chiée, quoi. C'est incroyable, quand même. Elle vous a niqué. Mais elle a niqué de rien, c'est la bonne adresse. On peut savoir combien de mesures ou pas? Non, mais elle est pas du tout dans le délire, donc ça va. Non, ça c'est sûr, on l'a bien compris. Hein. Bon, Anthony? Ouais. Bon, malheureusement, tu seras pas dans le délire d'avoir une pièce 3. Hein. C'est dommage. Ah oui, c'est con, hein. C'est con. J'aurais bien essayé. Bah oui. Bon, Aurélie, c'est Mickaël. T'étais en direct à la radio sur Énergie. C'était pour le GAV. Mais bon, comme tu n'as pas été très ouverte à la conversation, malheureusement. Il a perdu son cadeau. La PS3 et Assassin's Creed. Je recommence. Assassin's Creed 2 restera chez nous. C'est dommage. Ah, c'est connu, là, j'espère. En plus, je viens de vérifier l'adresse du commissariat. Et oui, c'est bien 46 Place de l'Europe. Non, c'est 27. Ah, mais elle va. Mais elle se fout de moi, là. 46 Place de l'Europe dans le 77. Il n'y a pas de 27. T'as vu? Ah, si, ouais, il y en a une autre. Ouais. Alors, ça, c'est marrant. Il y en a plusieurs. Non, alors, sur le site de senemarne.pref.gouv.fr, c'est 46. Et sur le site de village-justice.com, c'est 27. Il y a peut-être deux. Il y a peut-être une annexe. Alors, c'est un grand commissariat. Non, parce que les urgences 24h sur 24, c'est au 46, moi j'ai. Ah, voilà, donc on avait raison. Allez. De toute façon, c'est pas ça qui fait que vous avez gagné ou pas. Hein. C'est juste que comme elle a voulu faire la maline, bah forcément, on a ramé pendant 3 minutes pour une adresse, au final, qui n'a servi à rien. Mais c'est pas grave. Bon, Aurélie, Anthony, je vous repasse chez Michel au standard, ok? Ouais. Je peux faire une dédicace, s'il te plaît? Allez, vas-y, t'organises ça au moins. Allez, juste une dédicace pour les sapeurs-pompiers, et puis pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui me reconnaîtront, puis un gros billet pour Aurélie. Et puis, okay, ça marche, c'est pas de soucis, on l'a noté comme une gosse. Bon, salut tous les deux, à bientôt. Ciao. Allez, bye bye, ciao. Bon, bah, on est un peu en retard, c'est pas grave, ouais, ça arrive, même au meilleur au final. Hein. Allez, bienvenue dans ce Mac du jour, un tour de l'actu condensé et revu à notre sauce. Et on attaque tout de suite avec le premier titre de ce mardi 10 novembre 2009. Hier, le monde entier commémorait la chute du mur de Berlin, pendant qu'en France, la polémique autour de la présence ou non de Sarkozy le soir du 9 novembre 89 à Berlin. Berlin continue de faire couler beaucoup d'encre. Ouais, mais on s'en fout un peu de cette histoire. Ouais, surtout que Nicolas Sarkozy, au cours de sa carrière, s'est souvent retrouvé au pied du mur, alors une fois de plus ou de moins. Certes. Après 11 ans de combat, Emmanuel, en couple depuis 20 ans avec une autre femme, va enfin pouvoir adopter. Le tribunal administratif de Besançon a en effet estimé que les raisons invoquées par le Conseil général du Jura n'étaient pas fondées. Oui, donc après les choux et les cigognes, en fait, les parents, maintenant, ils pourront expliquer qu'ils ont été au tribunal pour avoir un enfant. C'est un constat alarmant. Selon une enquête de l'INSERM, il y aurait plus de 20 millions de Français en surpoids ou obèses. Les plus touchés sont les jeunes et les filles de moins de 30 ans. Le Nord reste de loin la région la plus lourde de France, avec un peu plus de 20% de gros. Et on a Kevin en studio, 1m80, 115 kg de Calais. Alors Kevin, une explication à l'obésité dans le Nord? Bon, c'est normal, hein, on travaille pas dans le Nord, alors c'est pas en mangeant de fricandelles et des frites qu'on va perdre du poids. Hein. Mais justement, ça vous laisse le temps de faire du sport. Ah bah non, je peux pas, hein, je fais genre le tuning. Ouais, je comprends. Oh, tu veux voir la photo de ma R5? Je viens de mettre les jantes 20 pouces là. Tu veux pas voir? Non, ça ira, ça va aller. Merci beaucoup, Kevin. Au revoir. Passons au sport, et c'est un Français qui est vice-champion du monde de poker. Il repartira de Las Vegas avec près de 2,5 millions d'euros en poche. Mal. Il a de la chance. Bah, pas trop, non. En fait, aux USA, les gains de poker sont nets d'impôts. Mais cet idiot a décidé de revenir en France et la France va le taxer. Ah, pas de chance. Mais pourquoi il laisse pas son argent aux USA? Et parce que la France a décidé de faire la traque aux gens qui font de l'évasion fiscale. Ah, pas de chance. Ouais. C'est à lui qu'on devrait demander ce que ça veut dire d'être français en 2009. C'est vrai. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il dit pas de chance, mais bon, même s'il est taxé à 50%, il a quand même 1 250 000 euros en poche. On va pas non plus verser une larme. Ouais, on va pas verser une larme. Le pauvre. Et un autre Français qui a des soucis en ce moment, c'est Richard Gasquet qui passe devant les juges du tribunal arbitral du sport pour expliquer son contrôle positif à la cocaïne en mars. Ouais, Richard Gasquet a déclaré avant l'audience qu'il ne changerait pas une ligne à sa défense. Ah, sa défense. Et un con pouvant en cacher un autre, il est temps maintenant de passer au con du jour. Et aujourd'hui, c'est au tour de Toff de s'y coller. Ouais, et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un con du jour à base de... cul. Ouais. Oui. Bah oui. C'est une Britannique de Newcastle en fait qui a perdu mardi son procès en appel. À votre avis, pourquoi? Parce qu'elle était bourrée, parce qu'elle est anglaise, parce qu'elle vient de Newcastle et qu'ils sont en deuxième division, je sais pas. Non, pas du tout, parce que la justice en fait l'exhortait à maintenir ses ébats sexuels à un niveau sonore tolérable, sinon elle prenait une amende. Ah, d'accord. Ah ouais. Ouais, en fait, le couple donc avec son mec avait été sommé de mettre une sourdine à ses ébats en première instance à la suite de plaintes des voisins qui étaient indisposés par donc tous les hurlements, cris étranges, voire hystériques de la meuf quand même, ils ont déclaré. On aurait dit que Steve et Caroline Cartwright, parce qu'ils s'appellent comme ça, Cartwright, enduraient des souffrances considérables, a déclaré un témoin devant le tribunal de Newcastle. Donc il a écouté entre autres les pièces à conviction sonore de 10 minutes que les mecs avaient ramené pour tapage nocturne des plaignants. Donc du coup voilà, maintenant elle ne pourra plus faire de bruit. Ouais. Sous peine de toucher, enfin de devoir payer une amende. Et du coup il devrait faire ça le matin. Ouais. Moi t'as pas de souci. Juste un truc, en quoi c'est une conne? Parce que elle hurle comme une ouf. Je sais pas. Si la meuf attend, elle est au tribunal parce qu'elle a gueulé. Parce qu'elle a gueulé. Ah ouais, enfin Mike. C'est pas logique, je sais pas. D'accord, ok, très bien. Allez, on passe au petit truc du jour maintenant alors. Ouais, c'est mieux. C'est une astuce économie. Si vous aussi vous êtes touché de plein fouet par la crise et que vous souhaitez faire des économies, arrêtez de bouffer bio. Une étude a été réalisée par le magazine spécialisé Linéaire en novembre. Il en ressort que manger bio coûte en moyenne 72% plus cher. Ah bah ouais, c'est cher. Oh. Oui. Plus cher. Je sais que c'est plus cher. Tout est plus cher. La vie est plus chère. L'homme est plus cher. Selon eux, près d'un produit sur trois dépasse les 90% de différentiel. Par catégorie de produits, la charcuterie et le traiteur bio coûtent 95% de plus. Les fruits et légumes, 90%. L'épicerie sucrée, 74%. Et l'épicerie salée, 73%. Et enfin, la crèmerie, 57%. Mais on parle de bio aussi. Hein. Oui. Conclusion, soit t'es riche et tu peux te permettre de manger sain, soit t'es pauvre et tu dois te taper des produits industriels ou blindés d'additifs. Ouais. Soit tu es roux et tu as de l'argent, mais tu préfères l'économiser, ne pas le dépenser, et tu te taperas quand même de la bouffe blindée d'additifs. Non, attends, ouais, mais même quand t'es blindé de thunes, des millionnaires, je pense pas qu'ils vont claquer un produit 94% plus cher. Toi, t'achèterais une bouteille de jus d'orange, je vais dire une connerie, à 6 euros. Et bien sûr, si t'as des milliers, millions d'euros. Si le goût est pas meilleur. Tu crois vraiment qu'ils comparent les prix des jus d'orange, les millionnaires? Non, mais attends, c'est même pas eux qui font leurs courses. Mais je pense qu'ils ont un budget pour leur majordome. Roux, quand t'as des gens qui vont dans des hôtels ou n'importe quoi, des hôtels de luxe, et qui te gaspillent 200 000 euros pour un repas, il y a un moment, on les file 500 euros de pourboire. C'est le jus d'orange du jour. Le jus d'orange à 6 euros, jus d'orange à 6 euros ou à 2. Ouais, je sais pas. Franchement, c'est plus. C'est un autre état d'esprit, c'est pas du tout le. J'aimerais bien être dans cet état d'esprit. En fait, tu vois, eux chipotent pour ça. Au même niveau, toi tu chipotes pour les centimes, tu vois, bah eux c'est pareil, 6 euros ou 2 euros, ils vont dire mais je vous emmerde avec ça. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'est... merci Roux, jamais quand tu me dis ça. Eh bien merci Roux. Ah, il est flatté là. Bon, allez, on va faire le petit quiz maintenant au niveau des people. Qui a dit ne choisissez pas un homme selon son look? Ah, la meuf d'étoffe. Non. Une des, ouais. Mais c'est pas ça. C'est vrai que j'ai dit là, sans savoir de qui je parlais. Ne choisissez pas un homme par rapport à son look. Merde, comment est-ce qu'elle s'appelait? Est-ce que c'est une meuf mariée à quelqu'un de moche? Bah, je pense. Ouais. Non. Enfin, moche, après, une question de goût, mais non, c'est pas Brad Pitt. Monica Bellucci. Non. C'est un peu pas. Cela dit, ça commence par un M aussi, son prénom. Maria Carré. Non. M. Pourquoi Mama? Mireille Darc. Mariam, de Amadou et Mariam. C'est Amadou. Non, non. Mimi Mati. C'est un prénom. Allez, un petit indice. Et pourtant, son mari est considéré comme un des hommes les plus élégants de la planète. Elle a un prénom qui pourrait être également masculin. Victoria Beckham. Michelle Obama. Michelle Obama, qui dit ne focalisez pas sur son compte en banque ou son titre, mais observez ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il a dans l'âme. Regardez la manière dont il prend soin de sa mère et ce qu'il dit sur les femmes, mais aussi sa manière d'agir avec les enfants, en particulier ceux qu'il ne connaît pas. Et le plus important, la manière dont il vous traite. Barack aussi. Je regarderai pas trop la manière dont il traite sa mère, hein, parce que tu passes au second plan après. Hein. C'est vrai. Enfin, je pense qu'elle aussi. Compris, mais oui. Elle aussi, elle doit pas. Enfin, lui aussi, doit pas être très regardant sur le physique. Hein. Oh, elle est moche. Une autre citation, peut-être. Elle est moche, Michelle Obama. Allez, suivante. Qui a dit Tom Cruise, c'est l'un des acteurs les plus travailleurs que j'ai jamais rencontré. C'est un vrai gentleman, mais quel con. Sa femme. Non. C'est un réalisateur. Non. C'est un acteur. Oui. C'est un acteur. C'est un acteur. Français. Brad Pitt. Un indice de Pedro. Ce n'est pas le mari de Maria. Jim Carrey. Elle donne la réponse aussi. Non, mais un indice. Ils ont dépourvu. Et donc Jim Carrey, invité dans un talk show, l'acteur n'a pas hésité à balancer des gentillesses sur ses collègues hollywoodiens. Bon, allez, le petit dernier qui a dit il est difficile de dire quelque chose de mauvais sur Brad Pitt, le seul problème est qu'il est avec Angelina Jolie. Jennifer Aniston. Non. Michelle Obama. Non. Matt Damon. Non. Meghan Fox. Jim Carrey. C'est quoi? Jim Carrey, bonne réponse. Donc, ah bah oui, c'est vrai. Et ben voilà, c'est ça. Jim Carrey, donc dans la même émission, hein, dont on venait de parler à l'instant. C'est aussi simple que ça, voilà. Bon, bah terminé pour ce Mac du jour. Mac du jour qui reviendra un autre jour. Et dans un instant, on passera à la BO Twilight. Ouais. Le titre Mince Man on a Stan. Non. Le nom du groupe Death Cap. For the cutie. Non, for cutie. For cutie. C'est pas une cape, c'est un cab. Et le titre c'est Meet Me on the Equinox. Ah, yes. Bouge pas, là. Bouge pas. Mickaël engueule son équipe hors antenne. Et l'émission revient. L'émission revient juste après ça. Voilà le son de Death Cab for Cutie à l'instant avec Meet Me on the Equinox. Et puis vous pouvez réécouter d'ailleurs la chanson en intégralité sur mikl.fm. Voilà, un message qui dit j'espère que le film sera aussi, aussi génial. Rouge t'aime. Oh. Oui, c'est mignon. Quelle aigreur. T'aurais pu dire bah c'est gentil, merci. C'est gentil. C'est incroyable. C'est adorable, ça me touche au plus profond de mon cul. J'imagine un jour le roux qui reçoit un prix, il va faire son discours. Bon bah. Allez vous faire enculer. C'est cool. Bonne soirée. C'est clair, c'est clair. Bon, je rappelle aussi, il y a un message qui demandait si on avait trouvé notre resto pour Brive-la-Gaillarde. Je t'avoue qu'on l'a pas trop cherché encore, mais on va trouver, rassurez-vous. On ira au phare breton. Bon, après, en tout cas, il y en a un, ça bouffe des crêpes et tout, on va aller là-bas. Très bien. Attends, bon. Mais il y a autre chose à bouffer quand même, tu vas dans le sud-ouest. Oui, mais enfin, phare breton, et puis voilà. Bon, en tout cas, on sera aux Écuries du Roi samedi soir à la boîte. Si jamais vous voulez choper des places, vous pouvez nous demander 6-11-12. Débutez le message par énergie, puis vous mettez Écurie, non, Roi sera plus simple. 6-11-12, débutez par énergie, puis vous mettez Roi avec votre numéro de téléphone, votre prénom et votre âge. Et vous faites pas chier, on ramène la jument. Hein. Ouais, Toff sera avec parmi nous. Et les purs sont arabes. Non, il n'y en a pas. Voilà. Bon, donc à l'instant, la BO de Twilight. Et alors, il y a eu une émeute aujourd'hui devant l'hôtel Crillon. Ah Crillon. Non, mais c'est incroyable ça. T'as un problème ou quoi? C'est un problème ou pas? Non, mais donc, je disais qu'il y a eu complètement acceptable. Je disais qu'il y a eu donc une émeute aujourd'hui devant l'hôtel Crillon. Ouais, vous me cassez les couilles. Tu dis Crillon, on y va. Ouais, ouais, non, mais bon, c'est. Ça va. Pas en plus, on va faire 107 ans non plus. Hein. Ouais. Bah, c'est bon, calmez-vous. J'étais juste en train de baiser une attachée de presse et il y a des gens qui l'ont su, mais j'ai pas fait exprès, ouais, je m'excuse. Tough. Quand t'auras fini de raconter ta life, là, tu nous dis, hein. Ouais. Hein. Je vais pouvoir expliquer la vraie raison d'émeute après. Ouais, ça sera bien. Mieux. Donc c'est à cause des acteurs de Twilight. Et donc on vous en parlait hier, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont fascinés par Twilight et pourquoi ça fait autant un carton. Alors c'est pas la première fois qu'il y a une série où il y a un film sur les vampires. Il y a eu Blade, il y a eu Buffy contre les vampires, Underworld, Dracula, Entretien avec un vampire. Il y a eu des centaines, Twilight c'est vraiment de la folie quoi. Ouais. Le truc c'est comme lui, c'est un beau gosse et elle c'est une belle gosse. Mais du coup ça fait rêver toutes les meufs quoi. C'est pas un beau gosse. Non, moi je trouve pas non plus. Mais on dirait un acteur avec la gueule de Pete Doherty. Il est tout crado. C'est une question de goût. Ouais, mais les crados cartonnent en ce moment. Regarde toi, les gens t'aiment, ils t'envoient des textos. Ça c'est beau. Et puis franchement, moi ça me fait rêver de me faire sucer par un vampire. Oh. Ça suce le sang, hein, je te rappelle. Ouais. Ouais, justement. Moi aussi je me demande voilà comment ça se fait que ça cartonne. Je vois pas trop les explications, à part peut-être le fait que ça s'adressait à des initiés à la base. Tu sais, c'est des gens qui avaient lu le livre et tout, ils avaient l'impression qu'il y avait qu'eux qui connaissaient, machin. Tu vois. Ah, c'est un livre avant d'être un film. Ouais. Hein, moi ma tante elle lit les trucs, elle est comme une ouf. Hein. Ah, en fait, c'est une communauté quoi, c'est ça que tu veux dire. C'est ça, et puis en plus ils ont pris des acteurs pas connus, donc c'est pareil quoi, c'est pour Pattinson. Ça que les acteurs après ils quoi Pattinson, pas connu. Non mais c'est vrai, ils les connaissaient ces gars-là, donc forcément, c'est pour ça qu'après tu les idolâtres. Quoi. Ouais. Je pense hein, après. Bon, et donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas Twilight, c'est l'histoire d'une humaine, Bella Swan, et d'un vampire, Edward Cullen, en fait. Il tombe amoureux, il y a rien d'extraordinaire dans le scénario. C'est pas Edward Cullen. Edward Cullen, ouais. Les mecs, ils se sont pris la tête, Cullen, ils se sont dit, Cullen, on va l'appeler Cullen. Tu l'appelles comme tu veux, hein, peu importe, hein, mais bon, Cullen. Et donc, donc on le disait tout à l'heure, donc ça, c'est tiré d'un roman, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, l'idée de Twilight, elle vient d'un rêve que donc la meuf qui l'écrit a fait, c'est Stéphanie Meyer, je crois. Et en fait, donc elle rêvait d'un truc, en fait, d'un humain et d'un vampire qui s'aimerait, mais qui serait aussi assoiffé de sang. Oui. Non, mais techniquement, quand tu nous présentes le truc comme ça, c'est tout pourri, quoi. Ouais, je suis désolé, je m'en Non, mais attends, je parle pas de Twilight. Je dis juste, le synopsis sans avoir vu le film. Oui, je suis d'accord. C'est marrant que ça cartonne. Et donc, en fait, ils peuvent pas s'embrasser. Enfin, vous verrez le film. Pourquoi? Parce qu'ils se font mal avec les dents? Non, parce qu'en fait, d'habitude, quand ils embrassent des femmes, donc Cullen, en fait, ensuite elles meurent. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ah, d'accord, ok, sympa, donc, ouais. Donc voilà. Bah, ils peuvent faire plein d'autres choses. Oui. Ils meurent pas quand ils s'enculent. Je sais pas, je crois pas que le film aille jusque là. Ça va, tout va bien. Bah, c'est le principal. J'ai pas lu les livres pour voir s'ils avaient oublié ce passage dans le film. C'est ça, ouais. Sinon, il y a une des actrices de Twilight en fait qui fait vachement parler d'elle en ce moment, c'est Christian Serratos. Ouais, tu peux dire Christian Serratos, t'emmerdes pas. Hein. Ouais, mais c'est une meuf, donc c'est pour ça. Christian. Ouais. Ah oui, bah Christian. Alors. donc qui joue le rôle d'Angela Weber, comme vous voulez. Donc une amie de Bella Swan, donc l'héroïne qui est amoureuse de Cullen. Mmh. Ah, putain, c'est incompréhensible. Je patauge. Bon, à quel moment t'as zappé? Il y a une des actrices qui pose à poil pour pétard. J'essayais de mettre les formes pour une fois. Et... Ouais, c'est ça. C'est pour ça que t'es à fond dedans, en fait. Ah, mais tu vois, quand t'essayes de mettre les formes, c'est pas bon. C'est ça. Alors que je préfère les toucher. Ouais, c'est ça. Bon, pour ceux qui aiment pas Twilight, il y a encore deux films à venir. Twilight 3, Hésitation. Et Twilight 4, Révélation. Et le deuxième volet va sortir le 18 novembre et ça s'appelle Tentation. Voilà. Si ça sort la semaine prochaine, putain, c'était dur. Oh là, c'était dur. La semaine prochaine. Qu'est-ce qu'ils font à Paris là, cette semaine? Eh ben, ils font la promo du film. Et puis d'ailleurs, Robert Pattinson en fait est passé dans le journal de Laurence Ferrari ce soir. Et on va vous passer quelques petits extraits justement. Tiens, c'est donc Twilight à Paris. Donc Robert Pattinson qui sera d'ailleurs aussi dans le 6-9. C'est demain. C'est demain? Je pense. Oui, c'est demain. Mmh. Effectivement, c'est une bonne réponse. Avec, si c'est pas demain, ce sera un autre jour. Avec, Je pense que c'est demain. Ouais, non, si, c'est demain. Donc, avec Nikos, Mustapha et Flo. Et donc, il a donné une interview sur TF1 dans le journal de Laurence Ferrari. Et il a l'air vraiment sympa. On a quelques extraits pour expliquer le phénomène. Il a expliqué pourquoi le film cartonne d'après lui. Évidemment, il y avait tout le monde aimait beaucoup les livres avant la sortie des films, donc il y avait le succès des livres. Mais je suppose que ma présence idéalise un petit peu les personnages que les gens s'attendent à voir, en tout cas que les filles aimeraient bien avoir comme petite amie, d'où cette espèce d'engouement. Oh là, comment il se la ramène un peu quand même. Hein. Ouais, je suis un peu beau, donc c'est normal que ça marche. C'est ça, les films idolâtres. Alors voilà. C'est pour ça que les gens vont voir le film. C'est pour me voir moi dans le film et se dire que je suis le mec idéal. Et donc Robert Pattinson a joué donc dans Harry Potter, qui est rappelons-le aussi une histoire de sorcier. Décidément, il est abonné au film. Avec une histoire d'amour. Ouais, et donc il fait une comparaison entre les deux films. Je sais pas, c'était vraiment effectivement Harry Potter. Il n'y avait pas beaucoup de sexualité. C'était peut-être trop prude. la limite. Peut-être que c'est la différence entre les deux. Enfin, je crois que par ailleurs, ce qui plaît dans ce film-ci, c'est qu'il y a peu de personnages, donc on se fixe sur eux. C'est un vrai parcours émotionnel, alors que dans Harry Potter, c'est toute une grande épopée avec des tas de personnages et dans un monde très différent. Et donc l'ambiance est très différente avec Twilight. Il y a en fait relativement peu de fantasmatique. D'accord, il n'y a pas trop de fantasmatique. Ah ouais. Il a juste oublié un détail, c'est que Harry Potter, dans le premier, ça peut pas être très sexuel, le mec il doit avoir 10 ans quoi. Il est un peu con de dire ça quand même. Et pour terminer, Laurence Ferrari veut savoir ce qu'il pense de toutes ces filles qui se jettent sur lui. Et il a une réponse assez surprenante. Et là, si je vois une foule de filles devant ma porte, là, ça peut être un peu inquiétant. Mais tout ça est tellement nouveau par ailleurs que ça m'amuse plus qu'autre chose. Disons que tout ça, je trouve ça assez ironique parce que moi, j'ai jamais été comme ça. Moi, quand j'étais gamin, j'arrivais jamais à avoir de copines. Et alors maintenant, c'est le contraire. J'ai toutes ces filles qui me courent après. Ouais. Ah, belle liaison du traducteur. Il me court après. Oh, écoute, ça va, et déjà, il fait son live. Déjà, ça doit être dur. Bon, il y a Angie qui est là, 22 ans, de Marseille. Même, hein. Salut Angie. Salut Mika, salut tout le monde. Tu vois, ça capte dans la chatte. Comment ça va? En rapport avec Angie, Secret Story, qui avait caché son téléphone dans sa foufoune. Tout à fait. Ok. C'est non, je suis pas trop Secret Story, désolé. Mais est-ce que tu es téléphone dans le sexe, dans tes petites parties de jambes en l'air? T'as jamais essayé? D'accord, c'est marrant. Non. Personne n'a essayé visiblement. Mais moi, oui. Ouais, encore, ça reste à prouver. Pour téléphoner, après, l'odeur, c'est pas terrible. Quoi. Non, mais tu mets dans une capote, hein. Pourquoi ça c'est... Non, mais c'est vrai. Bon, tu voulais réagir à Twilight, toi, alors comment ça se passe? Pourquoi t'aimes bien tout ça? Alors, déjà, pour commencer, je voulais dire qu'avant de voir le premier volet, j'avais pas lu les livres. D'accord, je crois qu'elle veut dire avant de commencer, je voudrais dire que vous êtes géniaux. Non, en bord du film, hein. C'est vrai. Alors, vas-y, je t'écoute. Mais c'est mieux de pas lire les livres avant, parce que c'est mieux de nous brosser avant de parler, quoi. Ouais. Vas-y. Voilà. Non, en fait, moi, ce qui m'a plu dans le film, c'est que c'est vrai, donc à la base, j'adore les films de vampires, tout ça, mais là, ils font une connexion entre l'irréaliste, les vampires, le monde un peu qui n'existe pas, avec le réel. Donc, dans le premier volet, Bella est quand même une fille qui est assez simple. Et tu les vois au campus et tout, en plus. Pardon ? Tu les vois au campus dans le premier volet, tu les vois à l'école et tout ça, ils sont pas dans un monde fantasmagorique, comme il disait. Ouais, voilà. Puis c'est vrai qu'elle, elle est bof, quoi, hein, au début. Elle est bof, c'est-à-dire. C'est-à-dire, ouais. Elle est toute simple, elle a rien qui est vraiment extraordinaire. C'est pas un canon, c'est pas non plus Megan Fox, quoi. D'accord. Oui, non, mais bien sûr. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que ça cartonne alors que t'avais Entretien avec un vampire, qui est un vieux film qui doit avoir 15 ans maintenant, et qu'il avait pratiquement pas marché, quoi. Il était très long aussi, hein. Oui, c'est vrai qu'il était très long. Mais ce qu'il te dit, c'est que Entretien avec un vampire, déjà, Tom Cruise, tel que je le vois, il a un truc, il a une veste en collerette, machin. T'es dans un univers. C'est le délire vampire, ouais. T'es dans un univers de flammes, tout le merdier. Là, tandis que là, il plante le décor du vampire dans finalement le côté du mec qui en est fan. Ça pourrait être plausible, quoi. Ouais, un peu comme Buffy. Ouais, puis encore Buffy, elle a des super pouvoirs que Bella n'a pas du tout. Ah, mais tu as des super pouvoirs. Et moi, j'ai jamais compris dans ces séries comme Buffy comment il y avait autant de méchants à chaque fois. Ouais. Enfin, il y a 20 méchants par saison. C'est des mondes humains en même temps. Ouais, c'est vrai que les mecs, tu sais, ils ont la rage, quoi. Ah non, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a un pays qu'on connaît pas. Il y a un pays à l'autre bout du monde avec des monstres. En fait, la ville, elle est construite sur les bouches de l'enfer. Faut suivre, les gars. Sur les bouches de l'enfer. Quoi, dans Buffy ou dans Twilight? À Buffy. Ah oui. D'accord. Ah oui, mais toi tu suis tous ces trucs là. Mais sinon il y a Charmed aussi. Oui. Charmed, dans chaque épisode, t'as deux démons. C'est pas tout à fait pareil. D'accord, ok, ouais. Excuse-nous, on n'est pas en fonction. Pour les fillettes, quoi. Ah oui, ok, d'accord. Parce que Twilight, c'est vrai que c'est pour les gens un peu plus. Oui. Twilight, le premier, il est assez calme, mais après ça va plus bouger pour les gens qui aiment l'action et qui aiment le sexe. D'ailleurs, les gars, ça va être pour vous. Mais t'as déjà vu le 2, toi ? Dans le troisième, j'ai lu les trois suivants, quoi. De toute façon, la majorité des gens ont déjà vu Twilight, ils ont mis tous les extraits. C'est-à-dire si t'as regardé les extraits, bon, c'est évidemment c'est chiant, t'as pas tout vu, hein, t'as pas vu tout d'une traite, mais si t'as regardé attentivement la télé et sur internet, bah t'as vu tout le film. Ouais, pareil pour Disney. Non, ça, j'ai pas trop suivi par contre. Non, parce que en fait, sur des sites internet, apparemment, il y a plein d'extraits du 2 qui sont sortis. Alors, mi bout à bout. Ça peut faire presque le film. Quasiment, ouais. Bon, le truc, c'est de les remettre dans le bon ordre. Ouais, après, ça, c'est un autre problème, effectivement. Bon, attends, parce qu'il y a aussi Florian qui, elle, apparemment, a déjà rencontré Robert Pattinson. On en parle dans un petit instant. Reste avec nous, Angie. On va prendre Florian et Sébastien. Micha ! il faut impérativement téléphoner à chez Noah qui a laissé un message. Pourquoi qui, ça parce que je te le demande. Bah oui, mais je suis pas. Excuse-moi, mais je suis pas standardiste, Michael. C'est grave quand même. Attends, je crois que c'est pour un coup de fil personnel, moi. Ah bah bien sûr, oui. Oui, bah oui. Il non, mais non. Les SMS à 23h29. Ouais. Voilà, le numéro 1094, tu l'appelles. Et très bien. Eh bien, très bien. Nous en parlerons dans un petit instant. Bougez pas de là. Si les experts Miami devaient écouter une seule émission de radio, c'est une excellente question. Y a pas de doute. Y a pas de doute. Ce serait celle de Michael et sa bande de psychopathes. Michael, 21h minuit, expert en tuerie radiophonique. Ouais, on est là 21h minuit sur Énergie comme tous les soirs. Avec déjà la bonne nouvelle pour les gens de l'équipe, Laurent paye son verre après. Ça fait plaisir. Ah, oh, c'est non, cool ça, à toute l'équipe. Ça, jamais dit. Eh ben franchement, ça nous touche. Non, j'ai dit je paye mon verre mais vide. Mais non. Je paye un verre. Hein, allez roux. Un verre à boire quoi. C'est déjà ça. Hein. Oui, pas, pas plus. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Bon, on va faire le question pour une réponse dans quelques instants. Avant ça, on va d'abord terminer avec Angie. Et malheureusement, il n'y avait pas le numéro de téléphone là, du numéro que je voulais téléphoner, enfin de la personne que je voulais joindre chez Noah qui disait si, si, le téléphone dans les parties, ça vibre. Ah putain, ouais. Ouais, c'est dommage, on n'arrive pas à la joindre. Il a dit que ça vibrait pas, il a dit que ça captait pas. Je prends sa défense quand même. Bah oui, mais bon, bah, ça, c'est pareil. Ah non, ah, non. Tu peux faire vibrer ton téléphone. Tu peux le faire vibrer tout seul. Si elle dit ça vibre, c'est que fatalement, c'est qu'il y a la raison. Mais Sandro insiste pour essayer. Ça se fait pas à l'antenne. Ça se fait pas. On peut pas faire ça à l'antenne. Oh oui, bah tant mieux que tu dises à l'antenne. Comme ça, les auditeurs. Un iPhone. Hein savent que j'ai rien dit du tout. J'ai rien demandé à personne. Mais non, mais bon, mais c'est vrai. Parce qu'elle insiste, elle insiste. Mais non, on peut pas le faire. On peut pas le faire. Bon, Florian, 20 ans maintenant de Romainville dans le 93. Salut Romain. Salut Florian. Salut tout le monde. Ça va, Florian? Oh, ça va super, bah, que des filles pour parler de, oui, de Twilight remarqué, bizarre. C'est bizarre hein. Bon, alors, ah non, il y a Sébastien dans un instant, mais lui peut pas voir ça en peinture. Ah oui, donc, ouais, donc c'est bien ce que je dis. Hein. Bon, alors, Florian, donc toi, t'as déjà vu Robert Pattinson? Robert Pattinson. Yeah. Yes. Alors, il est comment? Il est génial, grand, sympa, et il ne pue pas. Ah putain, c'est la question que j'allais te poser. C'est lui, hein, c'est lui, c'est lui-même qui a dit, je crois qu'il puait. Hein. Ouais. En fait, bah, c'est comme le roux, sauf que le roux il pue vraiment. Ouais. Bah oui, oui, t'en sais rien. Mais nous, oui, hein. Ouais. T'en sais rien. Bah non, mais parce qu'en fait, il y a une rumeur qui court comme quoi tous les 6 semaines ils se lavent. Donc, si c'est vrai, c'est-à-dire qu'il pue. Mais c'est lui qui a dit ça. Ouais, bah oui, mais. Ah, mais c'est plus qu'une rumeur alors, hein, si c'est lui qui le dit texto. Ouais, voilà, mais c'est peut-être pour rigoler, j'en sais rien. Ouais, mais est-ce qu'il baisse Kristen ou pas? J'en sais rien. Ah bah oui, mais c'est ça la question. Mais comment c'est fait que tu l'as rencontré? Non, comment ça s'est passé? Bah en fait, je l'ai rencontré l'année dernière. Donc j'étais avec eux pendant un petit moment et donc j'ai parlé avec Robert. Attends. T'étais avec eux, mais comment ça se fait? En fait, j'avais gagné un concours en fait. D'accord, ok. Où tu pouvais passer un peu ta live avec lui, c'est ça? Ouais, voilà. Enfin, à la base, c'était ça, mais c'est un peu. Ça tournait en dédicace, et donc là, que j'ai un peu monopolisé pendant 5 minutes, là, où on n'avait pas droit, mais. D'accord, ok, ouais, enfin, ça, c'est pas dramatique. Donc, ça va, donc, ouais. Tu l'as rencontré, le mec, il est cool, tout ça? Ah, il est génial, il est super cool, quoi. D'accord, ok. Il joue vraiment pas sa star, il est vraiment terre à terre. Bon, il a un peu. Il a un peu du mal à comprendre ce qui lui arrive. Et ouais, donc, quand on lui parle, il a un temps de réaction assez lent. Mais con. Il est génial, quoi. C'est ça qui est génial, en fait. Il est gentil, quoi. Il est c'est gentil. Un bonnet, quoi. C'est un bonnet. Ouais, il est gentil. Il est bas du front. Il est un peu mou, quoi. Ouais, mais. Ah, il fait aussi peut-être attention à ce qu'il dit, donc forcément. Ouais, aussi, ouais. Mais c'est normal. Et alors, juste un truc, il est physiquement comment. Il est vraiment beau ou alors c'est un vrai cajot? Il est vraiment trop mignon. Mais en fait, il a un petit sourire qui le rend super charmeur, quoi. C'est ça. D'accord. Ah, il y a plus du charme en fait que. Voilà. Enfin, il est surtout plus d'oseille. Hein. Et est-ce qu'il est bien membré? Je sais pas. C'est-à-dire que t'as pas les bonnes réponses, quoi. Bon, attendez, parce que. T'as pas les bonnes questions aussi, toi. Ouais. Pour l'instant, c'est un petit peu fleur bleue, tout ça. Il y a un message de May ou Mike qui a envoyé un texto au 612 en débutant par Énergie. Je voudrais passer un gros coup de gueule contre Twilight. Je me suis farci les 4 livres en espérant que la fin serait absolument géniale. 3 petits points. Voilà, la fin est vraiment tirée par les cheveux, quoi. Ah bon, attends, il y a Sébastien. Dis rien. Il y a Sébastien qui est là maintenant du 13. Salut Sébastien. Oui, bonsoir Michael, bonsoir à tous. Comment ça va? Salut. Ça va bien, écoute. Bon, alors toi tu voulais réagir parce que tu es un grand fan de Twilight? Absolument pas. Non, pas du tout, je chie dessus. On sait que tu les as tous vus, hein, tous lus. Bon, alors dis-nous, pourquoi t'aimes pas? Parce que le scénario est pour moi à chier, c'est trop tiré par les cheveux. Ouais. On s'y attend trop, quoi, l'histoire d'amour, ouais, etc. Ouais. Enfin bon, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un film pour les minettes. Et Robert Pattinson, ouais, est mignon, c'est pour ça que tout le monde l'adore. Mais bon, voilà, pour moi, le scénario est vraiment pourri, quoi. Mais d'accord. Je comprends pas, parce que le scénario, il est tiré d'un bouquin, donc c'est-à-dire qu'ils ont pas du tout reproduit ce qu'il y avait dans le livre, ou Je sais pas, le livre était pourri. J'ai pas lu le livre, mais le film, je me suis vraiment, vraiment fait chier. Hormis la BO qui était sympa, vraiment. Ah, la BO est très bien, hein. Paramore pour le premier, là maintenant Death Cab for Cutie pour le second, franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Mais non, après, je vous avoue que j'ai pas vu encore, j'ai pas encore vu les films, mais. Bah, au moins, on sait que M. Le Réa est pas très bon, au moins il a des bons goûts musicaux, quoi. Ah, musicalement, en tout cas, moi je trouve que ça déchire pas mal. Mais c'est toujours tout pourri quand tu lis un livre et qu'après tu vois le film. Oui, quand t'as lu ça dépend. Bah, souvent quand t'as lu le livre, c'est fait l'imagination que t'avais envie de te faire. Et qu'on peut le faire dans l'autre sens, en fait. Ouais, il faut voir le film et puis lire le livre. Par contre, moi j'ai lu des bouquins, j'ai vu le film après le Millennium. Ouais. C'est, franchement, le film, c'est un truc de ouf, c'est pareil. Sauf que, en fait, l'intrigue et le suspense, tu te le fais toi, tu vois. T'es à fond, tu vois. Enfin, je veux dire, t'es plus dedans quand tu lis un bouquin. Oui. Alors que quand tu regardes le film, voilà, l'intrigue, elle était moins kiffante. Surtout qu'en plus, je la connaissais. Bah, c'est la fin, donc ça aide pas. Mais c'est exactement la même chose que ce que j'imaginais. D'accord. Moi j'avais lu Oui, j'ai vu le film et j'ai pas été déçu. Hein. Ah ouais, c'est vrai. C'est normal en même temps, il n'y a que des images. Hein. Ouais. Ah, oui, c'est ça. Bon, et Angie, Robert et Sébastien, vous avez écouté hier soir l'émission ou pas? Non, moi je bossais. Eh ben bravo. Moi aussi. La France. Eh ben bravo. Bah, c'est bien, au moins ils nous ont écouté ce soir. Non, j'allais vous offrir, on a donné un code hier, j'allais vous offrir un tour du monde à chacun, mais. Comme la valise. Ouais. Vous avec, pourrez avec, répéter, nous, ouais. Avec Robert en plus. Vous ne pourrez pas répéter le code, c'est malheureux. On avait téléphoné à des hôtels hier, Toff qui s'était fait passer pour la Warner, en disant qu'il y avait Robert Pattinson notamment qui arrivait à l'hôtel, et comme bon, Twilight, les vampires, tout ça, ben, en gros, il fallait préparer la chambre avec des cercueils et tout le bordel. Ouais. Et donc pour ceux qui n'étaient pas là hier, on en a fait un petit best-of. Écoutez ce que ça donnait hier soir. Hôtel Plaza Athénée, Claudine, bonsoir. Oui, bonsoir madame, c'est pour une réservation. Hôtel ou restaurant, monsieur? Hôtel, madame. Je vous mets en relation avec la réservation un instant. Merci beaucoup. La réservation, Florence, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que j'aurais souhaité réserver une suite pour deux nuits. Oui. Parce qu'en fait, donc, voilà, en fait, je m'occupe du film Twilight 2 avec donc Kristen Stewart et Robert Pattinson. Et donc, en fait, il cherche une suite pour deux nuits, parce qu'en fait, l'hôtel qu'on avait réservé au départ, ça s'est pas très très bien passé. Donc, ça correspond pas vraiment à leurs attentes. Donc, mais ils sont actuellement à Paris? Non, en fait, ils arrivent demain. Donc, on avait réservé un autre hôtel, sauf qu'en fait, ils ont des demandes un petit peu particulières. Et quelles sont ces demandes? C'est pas grand chose. En fait, il voudrait que la lumière du jour ne puisse pas pénétrer dans la chambre. Et cela, c'est pour demain, pour quelle heure? Ils arriveront de nuit, hein, donc y a, de ce côté-là, vous n'aurez pas. Ils arriveront demain soir. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc pas dans la nuit prochaine. La nuit prochaine, c'est ça. Donc ils arriveront demain soir, entre 20h et 22h, quelque chose comme ça. Oui. Hein, et donc voilà. Donc par contre, en fait, c'est surtout pour la nuit suivante, pour la journée suivante, où il faudrait qu'il n'y ait pas du tout de lumière du jour, quoi. Et quoi d'autre encore? Alors en fait ce qui serait bien aussi, c'est que en fait il n'y ait pas de lit dans la chambre, hein. Donc en fait il faudrait si possible enlever les lits. On peut l'enlever, il reste uniquement la tête de lit. Donc, très bien. Et, ouais. Et comme ça nous en fait on vous fera livrer donc en fait les deux cercueils dans lesquels ils dorment, qui remplaceront le lit en fait. D'accord. Par contre dans la chambre communicante on n'a pas besoin de tout occulter. Ah non. C'est non. Pour le garde du corps. Oui, donc, voilà, il faut qu'il c'est le ça. Voit quelque c'est ça. Chose. Oui, d'accord. Oui. Mm-hmm. De ce côté-là il y a pas de problème. D'accord. Et alors, il y a une demande. Est-ce que c'est possible d'avoir le minibar vide? C'est-à-dire oui. Qu'il n'y ait mm-hmm. rien dans le minibar. Hein, mm-hmm. On se chargera de le remplir avec les pochettes qu'ils boivent. Donc je vais. Est-ce qu'il vous est possible de m'envoyer un email pour la réservation? Bien sûr, pour ou la. Un fax. Non, mais je peux vous envoyer un email. Oui, il n'y a pas de problème. Donc pour la confirmation. Voilà. Et donc je vous remets donc bien le descriptif. Hein, donc pas de lumière, pas de lit. Et bien sûr donc un mini bar vide pour mettre les pochettes de sang. D'accord. Hein, et puis on se tient au courant par retour de mail. J'attends le document. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne soirée journée. Plutôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. Ça et donc marché. Et donc ils étaient ouverts. Hein. Oui. Ils étaient ouverts. Ils étaient ouverts. Donc Angie. Oui. Et donc toi tu n'as jamais rencontré Pattinson. Non. Tu aimerais bien. C'est dommage. Ouais. Ouais, ça va. Ah, donc, tu t'en branles. Va devant ta porte et ouvre-la. Bon, il est là pour toi et ça, merde, c'est beau. Merde, mon chéri qui dort. Pas de chance. Ah bah, ça va lui faire plaisir. Ah, tant mieux. Oui, c'est vrai que ça peut être tant mieux aussi, ça dépend. Bon, Angie, Florian et Sébastien, merci à vous d'être venus. Vous revenez bien évidemment quand vous voulez. Merci beaucoup. Salut à vous, à bientôt. Ciao, bye bye. Oui, Roux. Et pendant qu'on était dans les délires un peu glauques avec Twilight. Quoi ? Tu parles de TF1 là ? Non, je parle pas du tout de TF1. Ah putain, parce que c'est violent quand même hein, sur TF1 là. Ouais, mais j'ai plus violent en fait. Il y a le gardien de l'équipe d'Allemagne. Qui est mort. Alors c'est comme si Mandanda ou Lloris étaient morts. Hein. Donc c'est l'équipe d'Allemagne et le gardien de Hanovre aussi. Le mec, il avait 32 ans. C'est le même. Hein. Ouais, c'est le même. Oui, c'est pas deux morts. Hein. Voilà. Ouais. Il s'appelle Robert Henke et apparemment c'est un truc ouf. Donc il blindé de thunes parce que footballeur, mais il se serait jeté sous un train. Mm. Ah bon ? Ouais, il se serait suicidé. Ouais, c'est tendu, hein, sachant qu'en plus il avait une petite fille de 8 mois, je crois, qu'il venait d'adopter. Et ouais, c'est bizarre. C'est bizarre d'ailleurs. Bah ouais. 8 mois, t'adoptes et tu. C'est peut-être un meurtre, hein, t'en sais pas. On sait pas encore, pour l'instant. Hein, sachant qu'il y avait pas mal d'oseilles dans l'histoire. Mais bon. Bon, on revient dans un petit instant. The Black Eyed Peas qui arrive avec Meet Me Halfway. Et puis on se fera un petit question pour une réponse. Dans quelques instants, ne bougez pas de là. Sandro commence déjà à chercher pour les réponses. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bouge pas. Teuf part se brosser les dents avec son dentifrice goût oignon gorgonzola. Ça pue le vieux cul à Marie. Et Michael revient juste après ça. Voilà le son des Black Eyed Peas, Meet Me Halfway sur Énergie. On est là 21h minuit sur Énergie avec le troisième et dernier gagnant de ce soir pour le Samsung Corby. C'est Antoine qui a gagné de Mérignac, voilà, qui repart avec le Samsung Corby. C'est les trois qui s'étaient inscrits, enfin qui ont du moins été tirés au sort sur énergie.fr où vous devez envoyer votre photo avec la couleur au niveau des fringues et au niveau du fond, en fait, tout simplement, du téléphone que vous voulez. Concrètement, si vous voulez un Samsung Corby jaune par exemple, ou sapé en jaune avec un fond jaune, le maximum de jaune, vous envoyez la photo sur energie.fr et si elle est originale, bon, vous tire au sort et vous gagnez le cadeau. C'est aussi simple que ça, le Samsung Corby. On remettra le couvert dès demain à partir de 21h. Voilà. Bon, parlons maintenant de choses sérieuses, parlons du QPR avec Florian et avec Joël qui sont là. Bonsoir tous les deux. Salut Mickaël, c'est toute l'équipe. Non, c'est pas Sandro qui l'a écrit. Salut. Comment Salut. Ça va? Ça va, regardez-vous. Ça va, ouais. Ça va. Bon, bienvenue à vous. Florian, tu as 18 ans, t'appelles du 50, tu veux jouer avec qui? Alors moi, je vais choisir Tosh parce que c'est le plus beau et le plus intelligent de toute l'équipe. Hein. Bah, donc tu fais partie. Mais je pouvais pas le choisir. Bah oui, mais tu fais partie de la Ligue Braille en ce qui concerne Tosh en tout cas. Pas du tout, c'est un homme de goût. Tu parles. Bon, de l'autre côté, Joël qui est là du 67 de Furchhausen. Yeah. Ouais, c'est ça. Furchhausen. Yeah. Et tu veux jouer avec qui, Joël? Avec Jack, d'accord, très bien. Eh bien, c'est parfait. Nous allons maintenant jouer à question pour une... Bonsoir à tous, installez-vous confortablement. Voici le rendez-vous réponse. Incontournable des têtes bien faites et des cerveaux en folie. Question pour une réponse. Ça. Attention, ça va commencer. On monte le son. Allez, attention, est-ce que vous êtes prêts pour jouer? Donc Florian avec Toff, Joël avec Jack. Ouais. Yes, prêt. Ok, parfait. Attention, première question. Top, je peux être un outil pour ceux qui m'ont choisi pour faire un métier très rare, mais bon, il faut quand même avoir un don pour ça. Dans le livre Le Vieux qui lisait des romans d'amour, il est dit que chez les Indiens d'Amazonie, je sers à éloigner les esprits. Mais le plus étrange, c'est que Serge Gainsbourg a composé une chanson en mon honneur intitulée Eugénie Sokolov. Je suis le principal instrument utilisé par le roux qui se fait un point d'honneur de m'utiliser sans retenue à toutes les occasions. Le roux et Polo, Jack. La pipe. Non, on fait un pacte à vie et si l'envie leur prend, ils ne doivent pas me refuser. Je peux être long, court, gras, sec, brillant. Florian. Jack. Le paix, bonne Florian. Réponse. Oh. T'avais la bonne réponse, Florian? Non, j'avais pensé à Calumet. Ouais, mais c'est pour ça que j'avais pensé à Calumet. Ah non, bah non, c'était le P. Ah merde. C'était le P. Bon, donc, odorant ou non, j'amuse certains et les fais rire et j'en énerve d'autres pour qui je suis une offense particulièrement grave. Je suis donc le P. Deuxième question, vous êtes prêts? Prêt. Ouais. Sandro. Ouais, je suis prête, mais je joue pas. Oui, mais enfin, oui, ça je te confirme. Je suis prête. Si, tu joues, mais sur autre chose. Non, pas du tout. Qu'est-ce que j'avais dit? Déjà, les invités de la semaine dernière. Oui, de la semaine dernière, ouais, c'est ça. J'avais dit d'accord pour l'iPhone, mais pas jouer pendant l'émission. Ouais, mais quand je fais rien, c'est bon. Mais fais là. Bah, tu veux pas que je participe? Ouais, c'est ça, ouais. Bah, si. Bah, allez, vas-y, deuxième, je participe alors, ok. Deuxième non, question, vous êtes prêts? Attention, prête. Tu joues pas, Sandro. Ah, tu vois. Top, on ne connaît pas avec précision ma date de naissance. D'ailleurs, ai-je vraiment existé? Le monde entier se pose la question. Sandro. Tu ne joues pas. Je suis censé être né en Angleterre à l'époque victorienne. Oui, Joël. Jésus. Ah non. Jack. Oui, le football. Non. Sauf. Oui. Le rugby. Non, autant vous dire que je me faisais royalement chier et c'est pour ça que j'ai commencé à m'inventer des histoires. Comme Toff, on l'a dit de moi que j'étais bisexuel, mais cette affirmation aurait pu me coûter la vie. N'oublions pas que j'ai vécu à une époque où la sodomie était considérée comme un crime. Aussi étrange que ça puisse paraître, Kadhafi a dit de moi que j'étais un écrivain arabe qui s'appelait Sheikh Rachid Aziz Zubair. Peut-être qu'un jour Pedro sera sur les planches pour me rendre hommage, mais il est tellement mauvais et petit. Oui. Shakespeare. Bonne réponse. Qu'il lui faudra beaucoup d'années et de tabouret avant d'y arriver. William Shakespeare. Comment Kadhafi l'a appelé? Sheikh Rachid Aziz Zubair. D'accord. Zubair. Je sais pas comment on dit, mais enfin bon. Il n'y a que Sheikh hein, qui commence par là. Hein? Ouais. Ça commence par Sheikh, les ouais, deux, mais sinon. Oui, oui. Bon, deuxième bonne réponse de Jack. Donc, du coup, on va jouer pour le sport. Allez, pour le sport. Allez, pour c'est marrant ça que bon, ils n'arrivent pas à dater la naissance de Shakespeare. Non, bah non, ça me fait rire que moi. Bah. Oui, je trouve pas ça très rigolo. Bah non, mais surtout si, à cette époque-là, il n'y avait pas de thé, il n'y a pas de registre comme maintenant. Avait, oui, t'avais pas les actes de naissance. Mais non, mais c'est un écrivain de ouf. Ils ont les dates de tout le monde. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la date de Marc Lévy de sa naissance? Pourtant, Marc Lévy, c'est à une autre époque. Bah oui, mais bon, c'est avec sa petite écharpe qu'il avait sur les épaules, on dirait une vieille qui avait froid aux épaules, c'est qui déposait le truc là. C'est surtout qu'effectivement, on ne sait pas si ce gars a vraiment existé ou pas, si c'est vraiment lui qui écrivait les pièces et tout. Ouais, je trouve ça intéressant. Bref, troisième question. Bah écoute, tu vas pouvoir aller au CDI ce week-end, faire des recherches. Et si Toff, j'avais oublié, au lieu d'aller au match. Ça veut dire quoi? Non, le CDI, c'est Centre d'information, de documentation, CDI et d'information. En fait, c'est la bibliothèque. Ouais, ouais, d'accord, ok. Bon, maintenant, dernière question. Si Toff ne trouve pas, il paye son verre. Ah ouais, absolument vas-y, pas. Vas-y. Si, Toff, je absolument jeu. Pas. Bon, vas-y, joue pas. Bah, si tu trouves, c'est Jack. Eh bien, je m'engage. Parfait. Rien du tout. Je m'engage à rien du tout. Vas-y, Toff. Non, tu vois, c'est ça qui t'a fait bouffer hier, putain. Attends, j'ai rien dit. Ah oui, merci, Toff. Je savais pas. Oh l'autre. Oh, il s'est vénère. Ah grave. Bon. Pour un quick à 20 euros. Ah d'accord. Je croyais que c'était toi parce que tu me devais non, mais enfin tu m'avais proposé un milkshake que j'avais pas pris finalement la première fois. Ah, tu oui. m'en as ramené un, je pensais que c'est toi qui avais payé, mais non, c'est Toff. Non mais j'y ai fait penser. Oh. Il a beau avoir payé. Ah bah, oui, mais bon. Mais non mais c'est vrai, je t'y ai fait penser, dis la vérité. Mais oui mais. Bah, voilà. C'est pas vrai. Truc sans rapport. Bon allez, donc si maintenant Toff ne trouve pas, il paye son verre. Non. Florian, Joël, tout va se jouer maintenant. Attention. Jack, tu payes ton verre à quelle condition? Si Toff le fait. Non, je paye pas. Attends, vas-y Toff, bah ouais. Il le paye, tu vas gagner. Tu crois pas? Ça va être gratuit. Ça va être gratuit si tu trouves. Je le paye pas. Bon attention. Top, je suis très puissant et je remonte à la nuit des temps dans la mythologie japonaise. On m'appelle Fujin et mon pire ennemi est le Raijin, mais pas la chanteuse française. Elle, c'est la pire ennemie de la musique. Je peux aussi servir à ignorer quelqu'un. Sandro adore se servir de moi dans ces cas-là. Je sors souvent de l'anus du roux et parfois ils sont bruyants et odorants, mais je peux aussi servir à qualifier les instruments de musique. Le vent? Bonne réponse. Oh, ça fait plaisir. Merci Toff. Je peux apparaître sur n'importe quelle planète possédant une atmosphère. Il fut un temps où j'étais très important dans la fabrication du pain. Je servais et sers toujours à fabriquer de l'énergie. J'ai beaucoup de noms célèbres: Alizé, Bise, Mistral, Mousson, Sirocco ou Zéphyr. Je suis le vent. Et bravo à Toff. Merci Toff. Tiens, je vais pas être réveillé plus tôt quand même hein. Ouais, je suis désolé. Bon, zéro pour Toff. On s'en fout, nous, on a un verre de payer. Ouais, ça va, pas cher. Zéro pour Toff et Florian et 3 pour Joël et Jack. Bravo, bravo à toi, Joël. Tu vas retourner chez Michel. On va prendre tes coordonnées, on va t'envoyer ton cadeau très vite. Ouais, je peux juste passer une petite dédicace. Vas-y, ouais. Dédicace à mon frère, Batou, Lise, Sarah, ma meilleure amie et tous les autres du collège des sources. D'accord, bah, le message moi, est passé. S'il te plaît. Vas-y. Ouais, dédicace à Max, Dylan et à tous ceux qui m'écoutent, voilà. D'accord. Merci. Bah, le message est passé aussi, salut à toi. Ok, salut, ciao, bonne journée. Ciao, bah, bonne soirée, bonne nuit même. Et puis, retour bien évidemment du question pour une réponse demain. Merci d'avoir joué avec nous et à bientôt pour une nouvelle partie de questions pour une réponse. Bon, parlons maintenant de tournée manège avant de partir. Avec aujourd'hui dans tournée manège, 3 femmes, Hermelinda, Angélique et Laure. Putain, et du côté... Une... Air Melinda, on dirait le nom d'une basket de chez Nike. Ah ouais, c'est particulier. Hein. Et du côté des hommes, Nikizi, ou ah Nikese, oui, je sais pas comment on dit, et Sébastien, voilà. Ah, c'était le bon casting, là. Ah bah là, on est au top, là. Hein. Bon, Sébastien qui a une question lingerie pour Air Melinda. Si je t'offre un soutien-gorge de taille 90B, ce sera pour toi un parachute, un habit saillant, malin, ou une malin, corde malin, pour t'étouffer. Ah, c'est pas mal. Bête ça pour. C'est pas mal comme question. Hein. Ouais. C'est pas savoir mal. Si elle en est gros ou pas. Exactement. Qu'est-ce qu'elle veut savoir si elle est grosse aussi. Et donc, Hermelinda vient du Cap-Vert et elle a pas bien compris la question. Heureusement, Koé vient l'aider. J'ai un petit problème de traduction. Je vais vous aider. So, I buy a big it's a 90B. Is it too big? Is it too small? Or is it the côtelette? Est-ce que c'est trop grand ou c'est trop petit? On dirait un double. C'est vrai. Bon, déjà par rapport à ces réponses, j'écarte la parachute. Ouais, ah, d'accord. Ça sera pas énorme. Bon, pour répondre, j'ai une petite silhouette, donc ça va de pair avec ma silhouette. Très bien, voilà. Donc attends, ils vont les chercher où les candidats là? Tu vas pas faire croire qu'une meuf du Cap-Vert elle s'est inscrite. Bah peut-être qu'elle est d'origine du Cap-Vert. Elle a un accent en plus. Mais peut-être que. Mais alors, Jane Birkin, elle a un accent, ça fait 100 ans qu'elle c'est habite vrai. En France. C'est vrai. C'est vrai. Mais elle comprend. Bon, elle. C'est vrai. Bon, sans plus attendre, on va passer à la question qui balance. Selon vous, que manque-t-il à votre voisin? On écoute leurs réponses et Nikizi ou Nikese, je sais pas comment on dit, et Sébastien ne sont pas trop violents, hein, donc ça va. Je pense qu'il lui manque, un petit peu de muscle quand même, le petit Sébastien. Oh, le rire de son nom. Attendez, maintenant Sébastien va pouvoir y aller. Sébastien, qu'est-ce qui manque à Nikese quand vous le regardez? Nikese. Alors, je pense qu'il manque un peu de discrétion, un peu trop speed à mon goût, et il lui manque un peu de mystère, je pense. Voilà. Roux, selon toi, que manque-t-il à ton voisin? Bah, la réponse facile serait le menton. C'est ça vrai. Ça fait très longtemps qu'on a parlé en plus. Mais bon, on a pas parlé. T'es quelqu'un d'original, de l'imagination? Non, pas trop. Mais moi, je trouve que tu manques de. Comment dire? De. Tu manques de. Comment dire ça? Enfin, quand tu payes un verre, t'es pas heureux de le faire, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai. Tu vois, je manque d'argent, c'est non, ça. Arrête, non, arrête. Non, arrête un peu. Non, arrête, tu gagnes 10 000 euros par mois. Plus. 30 000 euros par mois. Plus, ouais. Mais bon, j'ai plein de crédits pour payer ma voiture, ma maison. Ouais, bah, toi, ta voiture. Ah oui, merde, c'est vrai. La maison maintenant. Non plus. Ah bon. Bon, Tof, qu'est-ce qu'il manque à Sandro? Qu'est-ce qui manque à Sandro? Stourne. Je sais, moi. Un décolleté. Alors aujourd'hui, à la limite. Qu'est-ce qui manque à Sandro? Un régime. Oh non, arrêtez, ça va, il m'en reste que 5. Un équilibrage de joues. Un équilibre alimentaire, oui, aussi. Oui, alors ça par contre, c'est vrai, effectivement. Ouais. Ouais. Bon, alors quoi, qu'est-ce qui manque? Je sais pas, un décapeur pour les boutons. Oh. Ça fait beaucoup, là. Hein. Ouais, non, c'est vrai. Sandro, qu'est-ce qui manque à Jack? Il m'a bien défoncé l'enculé. Hein. Ouais. Ouais, tu l'as laissé parler sans rien dire. Un cul. Un cul, d'accord, okay, très bien. Jack Amisha, qu'est-ce qu'il manque à Misha? Justement, quelques euros, je pense. Il manque d'argent, Misha. Ouais, bah en même temps, s'il passait pas sa vie au cinéma à 10 euros, oui, s'il mettait pas de l'essence dans sa voiture qui est un gouffre. Non, ça va. Hey, t'es ouais, en mode boucle d'oreille aujourd'hui, là. Ouais, ah ouais, mais il se la ramène, hein. C'est un bout de verre que j'ai ramassé dans une poubelle. On la voit plus, ta boucle d'oreille. Non, je l'ai perdue. Oh, bah il l'a volé, je crois. Non, je crois. Ou on te l'a perdu volontairement. Ça lui allait pas. Plus que tu la mettes, jamais. Bon, Misha, qu'est-ce qu'il me manque? Tu manques de compassion pour tes collègues de travail. C'est vrai. De compassion. T'es pas un collègue? Mais si, je suis ton collègue. T'es mon employé. Oui, mais c'est pareil. Ah bah non. Ouais, de compassion, de sympathie, de tout. Quoi. D'amour. Bon. Et je crois que le roux, qu'est-ce qui manque au roux? Un peu de sympathie. Le calme. Non, je suis cool. Non, le calme. Non, mais je suis calme aussi. C'est... Non, mais non. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il était plus dans ce jeu. Allez! Tiens, quand il s'énerve comme ça, ça fait longtemps. Non, mais je suis pas. Ah, ce qui lui manque, c'est juste capillaire. C'est-à-dire que te rendre compte quand ça devient trop long. Juste ça, tu vois. Les cheveux? Ouais. Ah, parce que capillaire. Là, par exemple, ça commence à être trop long. Ouais, c'est trop long, là. Ah non, mais il va nous faire une coupe à la con encore pendant 6 mois. Hein, puis après, il va se décider enfin à se raser les cheveux parce qu'on l'aura attaché au radiateur. Et, ah, abuse bon, pas non plus. Pas loin. Pas des trucs SM ici. Ah bon? Bon, Sébastien veut en savoir un petit peu plus sur les fantasmes sexuels d'Angélique. Te tirer les cheveux pendant l'amour, qu'en penses-tu? On en parlait. Et donc Angélique a un peu de mal à répondre et Koé va être obligé de la défendre face à un public relativement mécontent. C'est pas du tout mon truc, les trucs sadomasochistes. Non, merci, pas d'assu, pas les cheveux tirés, non. Du dent. non, attendez, excusez-moi, je prends la défense d'Angélique de Butoir du Vent, ça va pas dans le public. Moi, je suis passé à Domazo. Oh, elle nous déçoit. Oh, c'est vrai. Oh, vraiment. Non, et Koï qui tire la gueule parce qu'on peut pas lui tirer les cheveux. Non, en même temps, il y a pas grand chose à tirer. Bah, c'était ça la vanne. Bon, mais alors ici. Ah, c'est pour ça que tu t'es coupé les cheveux aussi, toi. Mais oui, bien sûr. Ah, d'accord, ok, très bien. Ouais. Je souffrais. Oui, bah t'as raison, ouais. Bon, et Sébastien et Laure repartiront ensemble. Ils se sont beaucoup plu. Comme quoi, tout arrive. Ouais, c'est ouais. Ça aussi, tourner manège. Parfois, ouais. Ça marche. C'est pas toujours. Pas très souvent, mais parfois ça marche. Je rappelle, puisqu'on en parle, que Koé nous doit à manger. Oui, c'est important. J'ai dit que je le ferais deux fois par boire, émission depuis lundi dernier. Lundi dernier, il est venu dans l'émission. Il nous avait dit qu'il nous paierait à manger. Nous attendons encore. Il n'y a pas d'urgence, mais on attend. On fait que le rappeler comme ça. Voilà. Ah, pour Noël, ce serait bien, tu vois, et le réveillon. Ça serait pas mal. Ouais, exactement, ouais. Ça peut être très très bien. Et donc, Toff nous doit à boire et ça fait plaisir. Absolument. Ça, pas. C'est beau. Et ça, c'est beau. Non, parce que je rappelle que c'est le roux qui payait son verre. C'est parfait. Ouais, voilà. Mais t'as vraiment pris la main comme ça. Pas du tout. Je vais payer mon verre. T'es la frère. Pas du tout. Je rappelle ce que j'ai dit. Si le roux ne paye pas son verre, je ne viens pas. Un grand homme. Mais ouais. Et bah, voilà. Tu sais quoi, je ne paye pas mon verre. Et bah, je ne viens pas. Et bah, je paierai mon verre. Voilà. Et bah, je viens. Bon, on va se faire le polo show dans quelques instants. Et avant ça, on a reçu Jean-Yves Lafesse. Il y a les photos, je pense, qui sont à mater d'ailleurs sur amical.fm, je pense. Si c'est pas le cas, ce sera mis dans quelques minutes. Qui nous avait demandé, comme chaque fois qu'un artiste vient, on lui propose de choisir le son de la cave. Robbie Williams, maintenant avec Morning Sun. Écoutez ça et on revient juste après. Le son de Robbie Williams à l'instant avec Morning Sun, choisi par Jean-Yves Lafesse. C'est bien, ça le mérite de changer un petit peu. C'était calme avant de dormir, comme ça. C'était à la cool, Robbie Williams à l'instant. J'adore Robbie Williams, merci d'avoir passé. Bonjour à toute l'équipe, c'est Julie du 5-1. Et ben écoute, avec plaisir. Et un message qui dit Roux paiera son verre quand le PSG sera champion de France. Oui, bon, c'est pas pour demain alors. Ok, pas de soucis, je le fais. Ouais, c'est ça, ouais, ça trouve. Bon, allez, le polo show maintenant. On y va, ouais, right allez, now. C'est parti. Hey, this is Zach. This is Barry. This is Eric. And this is Brent, and you are listening to the most ballin' ass show on radio. The polo show. Oh, c'était beau ça. Ouais, c'est vrai. Bienvenue dans le polo show. J'ai appris aujourd'hui même que le stagiaire avait une tête de con. J'ai envie de dire ça pour te faire chier. Je reprends. Bienvenue dans le polo show. J'espère que tout va bien. Le public est là. Ah, non, le public n'est pas encore arrivé. Michel est là. Il fait son boulot de standardiste, le standard est bientôt plein, les pubs sont prêtes, la machine à paix est là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Il manque plus que Toff offre son verre. Pub et on se retrouve juste après. Il fallait pas qu'il croive que si je l'ai nominé, c'était que je voulais qu'il dégage, au contraire. Oui, je suis déçu, je me dis. Que je voulais vraiment justement que c'est lui qui rentre dans la maison vendredi et que bah, je voulais que c'est Jonathan qui partait. C'est pas possible, à un moment ça va venir, les joueurs se disent la même chose. Faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Et cela sans que nous n'ayons de leçons de racisme à recevoir. Pourquoi? Pourquoi je suis pas en plus? Putain! Vous avez pété. Éducation de merde! Aucun honneur! Qu'est-ce qu'un kebab? C'est une chose qui se mange et qui est pour moi exotique. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence. Maintenant qu'elle existe, utilisez la pilule du surlendemain. Salut à tous, c'est Chaim sur Énergie et je suis dans le polo show. Ah, Chaim, une très charmante jeune fille qu'on ne voit plus depuis un moment. Ah, parfois on pense à des souvenirs, à des choses qui sont passées dans nos vies, on rigole comme ça, hein. Bon, le public, j'attends que le public arrive quand même parce qu'il est vraiment con ce public. Mais bon, on l'aime, hein, public, une émission sans public, c'est pas vraiment une émission. Qui est là? J'écoute. Allô? Allô, premier auditeur. Pain. Allô? Allô, allô. Allô, j'écoute. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, ouais. Oui, bonjour, je suis Monsieur Levert. Oui, Monsieur Levert, bonjour. Apparemment, je suis offert aux collègues de Toff. Ah, bah écoutez, Monsieur Levert, je viens d'apprendre ça, moi aussi, en arrivant, et bah écoutez, j'en suis heureux. Voilà, donc c'était juste pour faire la commande d'avance. Je suis un verre à quoi? Un verre à pied? Oui, mais qu'est-ce que je mets dans le verre? Un verre à chair. Oui, je fais pas n'importe, du coca. D'accord, ça sera un verre de coca de payer par Monsieur Toff. Merci. Au revoir. Au revoir, Monsieur Levert. Qui est là? Ouais, bonsoir. Bonsoir. Ouais, Timmy, serveur au bar du prince. Ouais, enchanté. Je vous appelle par rapport à la réservation pour la table de 10 de Monsieur Toff. Oui. Oui, donc voilà, je voulais dire, j'avais bien pris note, hein, c'était bien noté. De toute façon, c'est payé d'avance, il a donné les numéros de carte bleue, donc faites-vous plaisir. Hein, open bar. Bah c'est parfait, on prend ce qu'on veut. On vous attend, on ouvre jusqu'à 4h du mat, là, okay. On attend que vous. Il y a même du café, hein, si vous voulez. Bah c'est parfait, merci beaucoup. Mais je vous en prie, remerciez surtout Toff. Merci à Toff, au revoir. Attendez, excusez-moi. Ouais. Est-ce qu'on peut inviter une poignée d'auditeurs? Une dizaine? Bon, c'est bien parce que c'est Toff qui paye. Hein. D'accord, ok, merci, au revoir. Au revoir. Attends, merde, je raccroche. Le public n'est toujours pas là. C'est l'autre, il est en train de dormir là. Il est en train de croire. Hey, Polo! Oh là là, il est un peu mal à la gorge. Malade le public. Quitte pas Stevie, c'est plus, on revient après. Hey, viens-le! Je vais le virer, il n'y a personne. Qui est là? Allô? Allô? Ouais, Polo, c'est oui. Toff. Bon, à qui? Ouais, c'est Toff. Ah, salut Toff! Ouais, c'est au sujet du verre. Ouais? Ouais, et eh ben je suis pas. Ouais? Quoi? Ben je suis parti. T'es parti où? Ouais, bah en fait j'ai fait comme le fourgon, c'est-à-dire que je suis parti avec et puis je me suis barré. Non. Voilà, donc après vous vous débrouillerez pour payer au bar. Ah ouais, bon ok, on va faire comme ça alors. Voilà, allez. C'est honteux, soirée. C'est honteux Toff, allez casse-toi. Qui est là? Un autre auditeur, monsieur, hein, on va les enchaîner aujourd'hui. Qui est là? Ah c'est Benoît. Hein? Ah il y a une teuf ce soir. Quoi? Il y a une teuf. Qui, où ça? Il y a Jugé Quepon, il ramène son camtar, on va aller poser du son. Là. Où ça? Ah bah chez Toff. Je comprends plus rien aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bah il y a le mec Toff là, il va poser un son ce soir. Où ça? Chez lui? Ouais bah, chez lui, on va venir à plusieurs avec Gégé le Quepon et toute la bande, on est avec le camtar. Bah parfait ouais. Alors, j'arrive. Vous êtes chez Père là. Ok. Bon allez, casse-toi. Garde patience. Le polo show va bientôt se terminer. H-5 secondes. Et pour terminer ce polo show, on va appeler quelqu'un pour remporter un cadeau. On l'appelle tout de suite. C'est la première fois que ça se passe dans le polo show. D'ailleurs, le stagiaire est en sueur. Hein ouais. Allô? Ouais, allô. Oui. Allô, qui est là? Oui, allô. Allô? Oui, allô. Toff? Allô? Allô, Toff? Oui, je suis parti pour le standard. Toff, je suis loin. Tu viens de remporter un cadeau unique, une soirée avec tous les gens de l'équipe. Voilà, mais c'est toi qui payes. Ouais, je suis bravo, loin. Ouais. Bravo, Toff. Monsieur est invité. Il y a 20 auditeurs qui attendent. Bravo. Oui, allez, bonne soirée. Bravo. Et il est déjà parti sans que des radios. Hein. Toff. Oui. Bravo. Oui, allez, applaudissez-vous. Genre, t'es déjà dans la voiture? Quasiment, là, j'ai fini de boucler mes affaires. Ouais, quasiment, donc ça veut dire qu'il a bouclé ses affaires, il est encore quel dans le bureau. Quel hein. Allez, Toff. Ouais. Allez, je te raccroche au nez. Michari, il va te péter la gueule. Allez, casse-toi. Ainsi achève le polo show. Merci à ceux qui l'ont écouté. Merci surtout à ceux qui l'écoutent pas. Le public n'étant pas venu ce soir, bien entendu, il ne sera pas payé ce soir. Voilà. Au revoir. Très bien. Au revoir, Polo du Polo Show. On se retrouve demain, nous, à partir de 21h avec vous toutes et vous tous en direct, évidemment. Amusez-vous bien demain pour cette journée de congé. Une énième journée de congé, j'ai envie de dire. Nous, on sera là quand même en direct à partir de 21h. Et là, c'est la rediff du 6-9 avec Nikos, Mustapha et Flo. Passez une bonne nuit, à demain tout le monde, ciao!